Bah, c'est fini pour ce soir. Alors, bien sûr, déjà, merci encore hein, pour ces premiers mois qu'on a passé avec vous. Là, on va partir en vacances pendant deux semaines. On sera là de retour. On est là le 6 janvier. Hein, on est là le 6 janvier ici. Et puis, on est joignable sur les réseaux sociaux. Bien et puis sûr. Avec les adresses mail, Facebook de Love in Fun reste carrément ouvert. On vous laisse pas. On vous filera des nouvelles sur Twitter, bien sûr. Et puis, sur le Facebook. Puis, si jamais vous voulez nous passer un petit coup de téléphone, je vais vous donner le numéro de Mickaël. Il est joignable. Oui, bah là, je suis pas trop joignable, mais. On a remarqué. Hein. Je redonne le numéro de téléphone de Mickaël. Hashtag moi boss de Fun Radio. C'était mon défi pour toi, Mickaël. Donnez ton numéro de téléphone 06 72 62 04 39. Et ça sonne, ça n'arrête bien, pas de sonner. Ça marche mieux que le standard. Hein. Oh là. Ah ouais, c'est-à-dire que. Et il n'a pas buggé encore. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas pu lire un seul message. Il y a combien d'appels en absence? Des appels, je sais pas, on peut pas voir, ça n'arrête pas de sonner. Mais à un moment, j'ai vu, on était, il y a quoi? Il y a 10 minutes, on était à 897. Ah non, on a passé les 1000. Ah, on a passé les 1000. Ah, voilà. Je pense qu'on peut faire mieux encore. Bah, messieurs, dames, attendez la réponse. Hein. Vous en avez pour 3-4 mois avant qu'ils vous répondent. Limite. Mais heureusement, j'ai une assistante ce soir qui va rester avec moi jusqu'à 2h, Karima. Pas 2 heures. Elle a dit jusqu'à la fin. Mais tu sais, là, je suis une infirmière, donc je peux rester. Ah bah, à minuit, elle perd son. Non, jusqu'à minuit seulement. Ah, tu vois, j'ai mon daron, je suis venu avec mon père, moi, dans cette émission. C'est ça, ouais. J'ai l'autorisation de minuit, c'est bien. Non, mais pour qui se prend, lui, là? Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hier, à la fin, on a dit que je passerais un petit peu de temps avec eux. Donc, j'irai sur les genoux de toffe. Pas après minuit. Pas plus que minuit, parce que quand même. Pas plus que minuit, carrément. Ils sont pas très sérieux, quand même. Rassurez-vous, après la 2 semaines pour se reposer. Donc, j'ai pas confiance. Je vous la fatigue. Je ne pas pour le 6 janvier. Hein. Celui qui me fait peur, c'est Toff. Oui, mais c'est normal. Justement, c'est celui sur qui je veux être assise. Avec plaisir, Karima, quand tu veux. Que tu as mauvais goût, Karima. Bon, allez, retour de Love in Fun l'année prochaine. Le 6 janvier, on sera là et on sera sur vous. L'année prochaine, et puis, l'iPhone est arrêté. Il n'y a plus de batterie. Il y a écrit J et puis tout Edouard. Ah, ben voilà, ça continue, c'est pas grave. Bon, moi, boss de Fun Radio, il y a encore un défi apparemment qui va me tomber sur la gueule avant de très bien. Parfait, en plus, c'est bien tout ça. Karima va rester avec moi pour me tenir compagnie, c'est bien. Exactement. Bon, allez, c'est parti, c'est jusqu'à 2h du mat là. Bon, bonnes vacances tout le monde. Salut. Ciao. Toi, t'arrêtes tes conneries. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Non, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, n'appelez plus. Hein. Parce qu'un connard a donné mon numéro, je tairai son dos hein, pour. Voilà, c'est plus qu'un connard. Voilà, oh là là, donc je ne peux pas décrocher, ça sonne non-stop. Bon, si vous voulez, envoyez-moi des SMS si vous voulez, mais je ne peux pas décrocher. Là. Donc, de toute façon, un, je suis à l'antenne, de deux, je ne pourrais pas, puisque. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai même pas l'occasion de dire ouf que déjà ça ressonne. Bref, soyez les bienvenus dans Mickaël No Limit. Alors je m'appelle Mickaël, on est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Également bonne nouvelle puisque la semaine prochaine, on fera 20h minuit dimanche, lundi et mardi. On sera également là le 24 décembre pour passer Noël avec vous, pour passer le réveillon puisque c'est une fête familiale. On a donc décidé de la passer avec vous 20h minuit, même le 24 décembre. On sera en direct sur Fun Radio, on va même s'échanger les cadeaux. Si vous avez reçu un cadeau un peu merdique, vous voulez l'échanger contre un plus gros cadeau style une Xbox One, on en aura à vous offrir, on aura des PC portables, des tablettes, et ben ce sera possible dès mardi, donc soir de Noël, 24 décembre, on sera là à partir de 20h, voilà. Et si vous voulez parler avec moi, ben n'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro à composer si vous êtes en France, en Belgique c'est le 02 851 4x0, et partout ailleurs vous composez le 00 33 1 42 48 5000, et on parlera de ce que vous voulez, comme Nathan qui est avec nous maintenant de Montpellier. Comment ça va? Allô? Allô, ça va bien Nathan? Ouais, ça va, vous? Bon, ça va bien, écoute, sauf que mon téléphone est inutilisable, mais hormis ça, ça va. Note, mais c'est bien. Ah, on est à combien? Ah, ben non, c'est bloqué. C'est bloqué là, je crois qu'il est mort là. C'est bloqué, c'est dommage. Bon, la messagerie est saturée apparemment, oui, sans déconner. Sans déconner que la messagerie est saturée, tiens, elle est bonne celle-là. Bon, Nathan, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Ce serait pour savoir si vous avez des idées de cadeaux bien nazes à offrir. Ah bah bien sûr, oh là là, t'inquiète pas, on a des bonnes idées de cadeaux bien nazes à offrir. Alors ça, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme cadeau de merde pour Noël, anniversaire ou n'importe quoi hein? Cadeau pourri, le plus pourri que vous avez reçu c'est quoi? C'est la tête là de Bouddha. Il y a une histoire où on s'est tous échangé la tête de Bouddha. On a reçu une espèce de vieille tête dégueulasse. Ouais, en fait, je crois, mais sans certitude, que c'est moi qui l'ai reçu en premier. Puis après, comme il était anniversaire de quelqu'un d'autre dans l'équipe, je l'ai refourgué. Et ainsi de suite. Bon, enfin, peu importe au final chez qui ça a démarré. Le principe, c'est qu'on s'est, à chaque anniversaire, en fait, on s'offrait cette putain de tête qui a fini par faire le tour à un moment ou à l'autre. Une horreur. Donc, ouais, c'était assez dramatique. Et elle a terminé en porte-chapeau quand même. Exactement, exactement. Et Toff, cadeau pourri. Ton pull peut-être, non? De quoi? Ton pull. Mais je l'adore ce pull. Mais sinon dans il y a que toi en tout cas qui l'adore. Ouais. Mais il est vraiment pourri, mais j'aime bien parce qu'il est pourri. Voilà. Mais ça tient bien chaud en plus. Et il va bien. Ouais, j'aime bien. Très bien. Bah voilà. Et donc, cadeau pourri. Le cadeau le plus pourri, ouais, je pense que ça doit être des chaussettes. Des chaussettes, très bien. Mais vraiment bon. bien pourri. Et bon, on va faire le tour dans quelques minutes. Nathan reste avec nous. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée moi boss de Fun Radio avec le hashtag bien entendu sur Twitter. Sandro, tu ferais quoi toi si t'étais le patron de la radio? Bah je la revends. Bah pourquoi faire? Bah pour me faire de l'oseille. Mais non, mais tu peux te faire autre chose. Oh, quel est con. Bah non, ça fait trop de soucis après. Oh, n'importe quoi. Moi, je m'en débarrasse plus. Tu ouvrirais la cantine 24h/24. Mais ouais, t'aurais la cantine H24. Ouais, je changerais les menus d'ailleurs. Tu pourrais changer les menus, tu pourrais faire plein de trucs. Alors, ce serait la folie. Ce serait ça, son premier truc, c'est de changer la cantine. Voilà. Bon, Toff, tu ferais quoi, toi? Insulte, évidemment, tout le temps. Insulte à volonté. En tout temps. Je t'emmerde. Voilà, c'est ça. J'enlèverais tous les jingles, je mettrais que des insultes. Génial. Cause toujours enculé. Voilà. Bon, et puis, Polo, toi, tu mettrais striptease dans le studio, j'imagine. Entre autres, il y a une chose. Tu danserais de... sur du pipeau. Ouais, je ferais ça. Ouais. Voilà, ça serait pas mal, ça serait sexy. Il y a trois trucs, dont un que je ne peux pas dire. D'accord. Mais je me trimballerai nu dans la radio, avec un cigare. Ok, pourquoi pas. N'importe quoi. Et des chaussons. Bon, d'ailleurs, on aura. Boss. Ouais, c'est ça. Bah oui, tu fais ce que tu veux. On aura un petit défi aussi à faire tout à l'heure. Mais on en reparlera avec Karima, d'ailleurs, qui sera avec nous. Elle est partie se changer, elle va revenir. Qui a décidé donc de faire l'émission avec nous ce soir. Donc c'est plutôt cool. Et comme tous les soirs, vous pouvez réagir à l'émission sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Et comme tous les soirs également, on vous offrira un joli sextoy offert par passagedudésir.fr. Et ce sera la fin d'émission. Pour participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission, justement. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chance d'être dans le top 5 avant la fin de l'émission. Et ce soir, c'est le numéro 2 qui repartira avec son sextoy. Il faut donc être classé numéro 2 dans les auditeurs qui ont le plus, enfin qui ont été le plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Yamélie qui dit moi, mon père a eu un beau rouleau de papier toilette avec un Père Noël qui fait caca sur la toilette. Oh, scandaleux. Cool, ça. Il y a Mystique qui dit coucou à toute l'équipe de Mickaël No Limit. On va bien se marrer ce soir, en tout cas j'espère. Et le prince Nadia qui dit le moral remonte dès que Mickaël No Limit démarre. Oui, bah écoute, c'est vrai, c'est bien, c'est vrai. On est plutôt en bonne forme là ce soir. On va écouter également le son de New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Je vous calerai aussi le nouveau son de Quentin Mossiman, que vous retrouvez d'ailleurs tous les samedis dans Party Fun sur Fun. Ce sera Hello et puis Fédé le Grand No Good. Et puis si vous voulez écouter un son en particulier, il y en a beaucoup qui m'ont demandé tout au long de la journée le son de Pharrell Williams. Bah évidemment qu'on va le mettre. Avec Happy. Voilà, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis la dernière GoPro également, la GoPro Hero 3, la Silver Edition qui vaut 350 boules, que je vous offre ce soir sur Fun Radio. Et c'est avec la colle, justement. C'est la dernière qu'on vous offre. La colle, c'est avec Besmir qui est avec nous, là, 15 ans de Bruxelles. Salut Besmir. Oula, on t'entend mal, Besmir, t'es là? Oui, salut. Ah, très bien, comment ça va? Ça va, toi? Bah écoute, plutôt bien, tranquillement, Besmir, pépère. Bon alors, tu veux choper la GoPro, toi? Oui, pourquoi? La toute dernière, 350 euros, la Silver Edition, la Hero 3 qu'on va vous offrir. Pilotable avec le smartphone, les Wi-Fi, enfin tout le bordel là, Full HD bien sûr. Et on va l'offrir peut-être maintenant. Le concept, Besmir, c'est facile. Tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, ou en tout cas que la personne qu'on appelle ne décroche pas tout à l'heure, c'est toi qui gagne. Besmir, vas-y, on t'écoute pour la colle. Ça commence la nuit, ça finit le matin. Tu peux le voir quand tu regardes la lune. Alors, ça commence la nuit, ça finit le matin, tu peux me voir quand tu regardes la lune, c'est ça? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse à la colle de Besmir, donc vous n'hésitez pas, dès maintenant, vous envoyez M.I.K.L. les 4 lettres, espace, la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, hein, je recommence, je commence la nuit, je finis le matin, tu peux me voir quand tu regardes la lune, qui suis-je? C'est bien ça, Besmir? Oui. Parfait. Et c'est la GoPro qu'on vous offre à l'occasion de la sortie du film Kick-Ass 2 en DVD. Si vous voulez tenter votre chance, envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Besmir, tu restes avec nous. Ne bouge pas de là. On te reprendra évidemment tout au long de l'émission puisqu'on donnera la réponse avant minuit sur Fun Radio. Donc dans moins d'une heure, on saura qui repart avec la toute dernière GoPro. Et vous pouvez aussi bien sûr aller voir l'énoncé et répondre sur le Facebook de l'émission. Je vous mets le post dans 30 secondes là. Facebook.com/M.I.K.L. officiel. officiel si vous voulez si vous voulez tout simplement balancer vos messages, balancer vos réponses et même réagir à l'émission. Vous êtes les bienvenus. Il y a Megumi aussi qui dit bonsoir mes chouchous d'amour. Ah non, mes cochons d'amour. Eh bien salut mes cochons. Et Colin qui dit bonsoir tout le monde, je suis avec vous ce soir pour une fois. Eh ben, c'est Colin. Vrai Colin, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus. On a cru un moment que t'étais décédé, c'est pour te dire. C'est vrai. Bah, on lui a offert un cadeau et puis il revient plus. C'est exactement. Ça, la gratitude. Exactement, exactement. Bon, Nathan. Ouais. Bon, on va continuer à parler avec toi là avant de faire le canular aussi tout à l'heure. Hein, ce sera vers minuit. Si vous voulez en faire un canular, il y a encore le dernier casque à vous offrir ce soir. C'est le casque Focal d'une valeur de 200 euros. Bon, on va parler des cadeaux pourris. Ce qu'on n'offre pas sur Fun Radio, comme t'as pu remarquer. Bah, on est quand même plutôt bien en termes de cadeaux là, non? Ouais, plutôt. Bah, plutôt, ouais, je confirme. Bon, et donc du coup, qu'est-ce que t'as déjà reçu comme cadeau merdique, toi? Pourquoi tu nous appelles pour parler de ça? Mais pourquoi? Il y a une raison particulière ou c'est juste... Ouais, en fait, c'est... Un pote, il avait qui cuisine très mal, et un autre ami, il lui avait offert un gant de cuisine, et il lui a dit, tiens, tu pourras te branler avec, comme blague. Et en fait, lui, il l'a pris un peu au premier degré, mm-hmm. Donc pour son anniversaire, à lui, il lui a offert un god. Ah bah ça va, c'est rigolo. Ouais, et enfin moi et j'aimerais plus, bien... Et en plus, ça vaut cher, hein. Mais oui. Non, il avait acheté 10 euros, je crois. Ah, 10 euros, ah ouais, d'accord. C'est des godes pourris, ça. Ouais, c'est des godes de merde. Ça va fondre. Exactement, c'est les pourritures. Ça va fondre dans ton cul. Pourriture, exactement. Et donc, du coup, toi, t'as peur de recevoir un cadeau pourri pour Noël? Tu vas recevoir quoi, tu penses? Je sais pas. Enfin, moi, en fait, j'aimerais bien surenchérir plutôt et offrir un cadeau bien merdique, mais... Ah, mais donc, toi, tu cherches des idées pour avoir des idées de cadeaux merdiques, en fait? Moi, j'ai une idée de cadeau bien merdique. Ouais, c'est quoi? Un cadre avec la photo de Toff à l'intérieur. Ouais, effectivement, c'est pas mal ça. Ouais, franchement, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ça, bon, écoute, ça, ouais, ne bouge pas si vous avez des idées de cadeaux merdiques. Qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme cadeau pourri? Venez nous en parler maintenant. Vous m'appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Karima qui donc nous fait l'honneur d'être avec nous ce l'honneur, soir. Karima. Pas, en tout cas, je suis là. Ah, c'est cool chez vous. Bah, t'as ouais. vu, hein. Ouais. Vous avez remarqué, on est bien. Hein. Bien elle s'est assise à côté du beau gosse. Ouais, c'est la seule place qui reste. Non, parce qu'il y avait une chaise, mais je vais faire moitié-moitié. C'est ça. Bon, Karima, t'as déjà reçu quoi comme cadeau de merde? Par là, voilà. Beaucoup. Hein. Non, mais comme quoi, là, par exemple? Là, tout de suite, dans hyper ma tête... Hyper de Louboutin. Non, non, non. Non, en fait, j'ai hyper peur de Chucky. Tu sais, le personnage de la poupée, là, qui tue. Et il est devant toi, là, pourtant. Il y a quelqu'un qui a osé me l'offrir. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Chucky, la poupée qui pue, elle est là. Toffy. C'est Toff, juste devant nous, ouais. Bon, ben, bah, Karima, bah, reste avec nous. Vous êtes les bienvenus aussi. On va se mettre le son de Quentin Mosiman tout à l'heure. Il y aura aussi New World Sound avec The Flute. Et puis on revient, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Please call again. Mickaël No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France avec Karima de Lovin Fun qui fait des heures sup. C'est-à-dire qu'elle va tellement faire chier pendant deux semaines là. Parce que tu vois, non, je fais pas d'heures sup, je voulais vous faire un câlin, un petit bisou avant de partir, c'est tout, passer un peu de temps avec vous. Et donc du coup, tu vas rester avec nous pour terminer cette journée de moi boss de Fun Radio. Exactement. Eh ben voilà, très bien, ça va être sur ma gueule comme d'habitude. Oh, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu des défis de merde, il y a que moi qui vais recevoir le pire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Bon, tous vos messages, vous les envoyez maintenant. Vous m'appelez 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi répondre à la colle de Besmir. Là, je commence la nuit, je finis le matin. Tu peux me voir quand tu regardes la lune. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 pour gagner votre GoPro, vos 350 euros. Elle est toute belle. Vous pouvez la voir sur le Facebook de l'émission d'ailleurs. Facebook.com/MIKL officiel. Tout simplement, vous faites, vous allez répondre sur le Facebook ou sur SMS. Tout simplement, et je vous passe à l'antenne avant minuit pour vous offrir justement cette magnifique GoPro. Il y a Cédric qui dit, je pense que Toff veut une croix pour Noël. Oui, c'est une idée aussi, ouais. On va l'annoncer à Karima, tu es au courant de la croix ou pas? Ah, tu vas voir. Parfait, alors ne bouge pas, on t'explique ça, tu vas voir, c'est du très lourd. On va t'expliquer l'histoire de la croix dans quelques minutes. Tiens, on va se faire péter le son maintenant à 23h15 sur Fun Radio. The New World Sound, c'est The Flute sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Le son de New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Il y aura aussi le son de Quentin Mosiman à suivre. Ce sera Hello dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on aura aussi évidemment Fede Legrand, The Wood. Je vous calerai aussi Eminem avec The Monster. Tony Junior à suivre. Ah, oh, ça j'aime bien ça. Eh bah oui, et puis bien sûr aussi le son de Pharrell Williams avec Happy. Et puis si vous voulez choisir des sons, hein, n'hésitez pas, vous mettez le hashtag Mickaël maintenant sur le Twitter de l'émission, vous mettez un maximum de messages, pareil aussi sur le Facebook, ajoutez-moi d'ailleurs sur Twitter hein, si c'est pas encore fait. Si vous me suivez, je vous suivrai également avec plaisir, vous tapez Mickaël underscore officiel. Le underscore c'est le petit tiret en bas, Mickaël underscore officiel. Il y a Cédric qui dit, je pense que toi veux une croix pour Noël. Ah. Oui. Effectivement, t'entends une mal belle croix, une belle croix. Voilà, une belle croix, puisque je rappelle donc que Alon Karima, qui est une guest ce soir. Il était une fois. Il était une fois, et donc c'est une histoire vraie, bien entendu. Ouais. Donc, Tof qui nous annonce la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, je crois. Exactement. Bah, qu'en fait, il a déjà. Il s'est déjà fait attacher sur une croix, mais pas une croix catholique, une croix en X. En X. Dans une quoi, cave. Quoi. Attaché, ouais. Attaché sur une croix en train de se faire enculer. Une croix. Alors, ça, c'est alors, faux, attention, non, c'est faux, c'est faux. Comment ça, ça. Voilà, c'est ça. Je te vois plus comme avant. Ah bah non, oui. Mais ça, c'est leur fantasme, là, l'enculage. Tu t'es quand même fait attacher. Oui, oui. Bah oui. Quand même, c'est déjà pas mal. Tu veux toujours aller sur ses genoux? Ouais. Bah, je vais rester en face pour attaché l'instant. Attaché et enculé. Tu t'es jamais fait attacher à ton lit? Non. Ah bon, d'accord. Et alors, après, quand on lui dit que c'est bizarre, il dit oui, mais vous vivez dans le monde du bisounours. Ah bon? Bah non, c'est juste on se fait pas attacher. Bah voilà, c'est ça. Vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, Tof. Cause toujours enculé. Voilà. Bon, il y a Dédé qui dit lors de mes 20 ans, j'ai reçu un slip de bain couleur arc-en-ciel. Je me vois l'envoyer à Tof pour qu'il le porte à Noël. Mais c'est une bonne idée. Mm-hmm. Christopher aussi qui dit Polo en duo avec New World Sound. Exactement, avec ouais. la flûte, bien sûr. Et Shona aussi sur le Twitter qui dit elle, Amifa, ça va? Je te demande ça. Attends, je te demande pas, toi, Mickaël, avec les messages que tu reçois. Oui, on est à 2000 là maintenant. 2000 SMS hein, sur mon portable, donc c'est cool. Ça va me passer le week-end, c'est bien. Colin qui dit je vous appelle pour Noël, vous inquiétez pas. Bon bah tant mieux. 24 décembre, on sera en direct d'ailleurs hein, avec Karima 20h à partir de 20h. Non, je serai pas là, non. Regardez-la. Oh là là. Regardez-la. Petite joueuse. Oui, alors que tout le monde, alors que toutes les autres radios vont vous abandonner telles des merdes, parce que le 24 décembre ils s'en battent les couilles de votre gueule. Ouais. Alors que nous on a décidé de passer une soirée en famille, c'est-à-dire voilà, avec on vous, sera 20h, bien. On sera là, on passera Noël avec vous. Je vous appellerai moi, je vous appellerai. Tout à l'heure je lui ai dit, je t'appelle, elle a dit non, je ne décrocherai pas. Mais là maintenant que je t'écoute, c'est vrai qu'il y a un côté familial, donc je t'appellerai. Eh ben, voilà. Parfait, voilà, c'est très bien comme ça. Bon, et est-ce que tu sais ce qui se passe le 21 décembre, Karima, du coup, comme t'es là? Ouais, c'est la fin du monde. C'est l'annonce, pas la fin du monde. Nathan, tu sais ce qui se passe le 21 décembre? Non. Non, eh ben c'est le solstice d'hiver. Et donc, ah oui. Comme c'est le jour le plus court de l'année, hein, vous savez, c'est le concept, hein, 21 décembre, c'est le plus court de l'année, 22 et 23 aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a envie justement de faire quand c'est le jour le plus court de l'année? Eh bien, on a envie de faire dodo. Dodo, exactement, et rester au lit. Et c'est pour ça que c'est aussi la journée mondiale de l'orgasme. Donc, Tof, faut que tu préviennes les gens hein, que cette journée importante, journée internationale de l'orgasme, il faut le pas 21 décembre. Ah bah, je te confirme. Donc, du coup, il faut que les gens se mobilisent. Bah voilà, du coup, on aura Joris et Bron et Nathan pour réagir à toi. Nathan, bouge pas de là hein, par rapport au cadeau de Noël pourri. Et en attendant, eh bien, on va faire le premier appel hein, pour prévenir les gens. Tout de suite, comme ça, direct. Ah bah oui, on y va direct, on s'en fout. Ah ouais, on est chaud là. Que le 21 décembre, c'est aussi la journée mondiale de l'orgasme et qu'il faut prévenir ces gens. Je rappelle que si vous avez des gens que vous connaissez déjà encore debout à cette heure-ci ou en tout cas jusqu'à 2h qui sont plutôt du style un peu nerveux. Voilà, oh, n'hésitez pas. Léger. Ouais, voilà, donnez les numéros de téléphone, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on fait le premier maintenant, tranquillement, et tous les messages que je vais lire aussi dans quelques minutes sur Fun Radio. Allô? Oui, hein. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Je vous emmerde. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Oui, bon, alors on va le rappeler. Il avait l'argent. Ça, non, c'est pas violent. Ah non, c'est charmant ça. Mais non, attends. C'est bienvenue. C'est un homme de cœur. Bienvenue dans l'émission. Je te rappelle que nous sommes tombés hier soir là-dessus. Allô, faire un culé, gros PD. Voilà. On a également eu cette charmante personne. Je vais t'éjaculer à ta face de PD. De gay. Comme ça, t'as pas de rides au PD que tu es. T'as compris? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut lui faire écouter le voyage à Foriani? Oui, on peut le faire écouter le voyage à Foriani. Attends, on va rappeler le mec aussi après, hein. C'est celui-là, le voyage à Foriani. Ah, t'as été coupé, mon con? Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Foriani. Tu vas avoir un petit feu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, tout ça, bien entendu, non remonté. Hein. C'est ce qui s'est réellement passé à l'antenne. On a juste pas réussi à en placer une. Donc, c'est pas du tout remonté ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de trafic là-dedans. Bon, on le rappelle vite fait avant qu'il. Avant qu'il refroidisse. Voilà, donc on l'appelait pour prévenir que le 21 décembre, c'était également la journée mondiale donc de l'orgasme. Allez, c'est parti. Parce que là, il t'emmerdait, mais bon, ce qui est quand même dommage. Je t'emmerde. Oui. Allez. Là, mon téléphone sonne encore, hein, si vous entendez 2600 messages. Oui, allô. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Oui, non, bon. On n'a pas été coupé. Je vous emmerde avec vos conneries à cette heure-là. Vous me faites chier. Mais attendez, monsieur, je vous ai pas encore dit pourquoi je vous appelais. Oui, et alors? Bah, et alors, vous pourriez au moins écouter quand même. Mais non, j'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. Bah, attendez, monsieur, moi, je vous appelle gentiment pour vous expliquer que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Alors, ne me rappelez pas, s'il vous plaît. Merci. Et santé. Bonsoir. Mais d'accord, mais avant de raccrocher, monsieur, vous devez me promettre de faire l'amour le 21. Allô? Ah. Bah non, il est parti. Bah, il est parti. C'est dommage, c'est dommage. Déception mais totale. Mais je pense qu'il avait l'air de... Pas clair, pas net, quoi. Mais je crois qu'il avait... Et un petit mais juste un peu. Il arrive même au meilleur. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Tu connais personne, Karima, toi, qu'on peut appeler, là? Non, désolé. Non, genre, le téléphone, il doit être blindé, là, en termes de numéro, là. Et rien, rien de rien. N'importe quoi, je vous jure. Non, Karima, on va pas appeler Jérôme, ça se fait pas. Non, c'est de la radio. Non. Écoute, t'as des idées un peu limite, limite. Attends, je vais regarder mon répertoire, il y a bien un con là-dedans. Ça y est, elle s'est mis. Mais il va pas s'appeler lui-même, Karima. Ça y est, c'est mis dans l'ambiance, là. Ouais, c'est mis bon, dans l'ambiance, ça. C'est bon, ça. Bon, allez, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour m'appeler, n'hésitez pas. Moi, boss de Fun Radio, on va terminer la journée dans quelques minutes avec le dernier défi. Et puis Nathan également avec nous, là, Nathan, avec son cadeau de Noël de merde. T'es là, Nathan? Ouais, je suis là. Très bien. Oui. Bon, alors, tu nous avais appelé parce que tu voulais avoir des idées de cadeaux de Noël de merde, puisque tu dois en faire un pote, c'est ça? Ouais, voilà. Très bien. Bon, alors, il y avait Brown également qui est avec nous, de Saint-Dié. Salut, Brown. Ouais, salut. Brown comme le rasoir? Ouais, malheureusement. Ah ouais, ok, d'accord. Quoi, ton père était fan de la marque ou... Non, pas du tout. Ah bon, non mais... Ah, c'est ton prénom, c'est vraiment ton prénom. J'aurais bien aimé, hein, parce qu'au moins j'aurais eu plein de sous. Ah oui, oui, non, mais non, il aurait pu être fan, sans pour autant être propriétaire de la marque, hein, Bron. Bon. Ouais, c'est mieux propriétaire. Oui, bah, non, bah ça je te confirme. Bon, alors Bron, c'est quoi les cadeaux les plus pourris? Rasoir, si je dis ça, mec, je peux me marrer pendant 1000 ans. Non, je la ferai pas. Ah bon, dommage. Par contre, si tu continues, tu risques d'être rasoir. Je reste de quoi? D'être rasoir. Oh, petit jeu de mots, petit calembour. Oh là, pas mal. Hein? Non, mais... Elle était pas mal, elle était pas mal. Bon alors, tu nous appelais pour les cadeaux de merde. Ouais, en fait, moi j'ai une putain d'idée pour faire un cadeau, c'est faire un gros carton, mettre plein de polystyrène dedans, faire un autre carton, mettre plein de polystyrène dedans, faire un autre carton, et à la fin, c'est offrir un pins ou... Ah oui, oui. Ça c'est pas mal ça. Mais après, tu peux mettre aussi avec des sacs plastiques ou n'importe quoi. En gros, c'est d'avoir une énorme boîte que le mec se dise, oh, putain, c'est la folie, et au final, il se retrouve avec un truc pourri, quoi. Enfin, pourri, voilà. Un truc tout petit. Vous pouvez faire ça aussi à votre copine, hein, si vous voulez, genre, tu sais, une petite bague ou un truc comme ça. C'est comme ça, ça va l'énerver, et après quand elle va se rendre compte que c'est une bague, là, elle va se retrouver comme une conne, tu vois. Ou alors t'achètes la comme les loup-boutins, tu récupères une boîte et tu mets des chaussures pourries. Là, 10 euros que t'achètes chez le chinois là. Tu récupères la semelle en rouge. Ouais. Ah ouais. Tu mets les crolls là. Tu dis Brun? Le truc c'est aussi de bien scotcher les cartons. Oui, bien sûr, ouais, pour que ce soit bien relou à ouvrir. Ouais, ouais, déjà, et surtout bien tout attacher à l'intérieur pour que ça remue pas de partout quoi. Ah oui, bah bien sûr, c'est le minimum. Il y a aussi Joris avec nous d'Avignon. Salut Joris. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Tranquille, Joris, sois le bienvenu. Alors, toi tu voulais réagir aussi, toi, c'est quoi le cadeau pourri que t'as éventuellement comme idée à donner à Nathan? Non, en fait c'est pour vous demander, j'ai un pote qui pue tout ça. Ouais. Je vais pas lui offrir du dos, j'aimerais lui faire comprendre autrement qu'il pue que par du dos. Ah, ça c'est un autre problème ça. Bon, alors bouge pas Joris, on va en parler juste après. Reste avec nous, on aura Bruno et Loïc aussi dans quelques minutes. Brand, reste avec nous, on va se faire le défi, le dernier dans quelques minutes. Et juste avant ça, on va récupérer Besmir. Toujours là Besmir? Oui. Très bien, Besmir, dis donc, t'as enterré ta famille aujourd'hui ou? Oui. Non, je demandais si t'avais enterré ta famille. Non. Ah bon, non, parce que t'as l'air d'avoir une patate tellement exceptionnelle que je me demandais quoi. Ça va Besmir? Ouais. Ah, ouais, bon, est-ce que tu sens cette joie de vivre? Ah oui, complètement. Bon, attention, la GoPro est à gagner maintenant, la Hero 3, c'est la Silver Edition à l'occasion de la sortie du film Kick-Ass 2 en DVD. Répète la colle, s'il te plaît, Besmir. Je commence la nuit. Je signe le matin. Oui. Tu peux me voir quand tu regardes la lune. Très bien, je répète, je commence la nuit, je finis le matin, tu peux me voir quand tu regardes la lune. Qui suis-je? Le cul. Non, c'est pas le cul. Est-ce que c'est l'ombre éventuellement, Besmir? Non. Un loup-garou? Non. L'espace? Non. Le soleil? Non plus. Les étoiles? Non. Il y a Florence sur Facebook qui proposait le noir? Non. Non. Bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous tapez simplement M-I-K-L espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Besmir, tu restes avec nous? Oui. On donne la réponse avant minuit sur Fun Radio. Vous pouvez aussi bien sûr répondre hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Megumi qui dit excès de mollesse là. Ah oui. Ah oui, là il y a arrestation, ah il ouais, y a emprisonnement à vie quoi. Il y a Ness aussi qui dit il peut lui offrir du papier à lettres. J'ai reçu ça une année, il n'y a pas plus pourri, c'est vrai. Et Thomas qui dit une fois on m'a offert des chaussures trop petites, des chaussettes trop petites, ça c'est des pourris. Et Stéphanie qui dit journée mondiale de l'orgasme. Je crois que ça, ce sera le moment pour moi de me rapprocher de Gilbert le Magnifique. Ah oui, effectivement. Gilbert le Magnifique, on aura l'occasion d'en reparler, offert par passage du désir.fr. Voilà. Bon, alors, on va terminer cette journée de Moi Boss de Fun Radio, puisque vous avez eu l'occasion de tester avec tous les animateurs tout au long de la journée, de leur mettre des défis, tout au long de la journée. Et donc, c'est moi qui termine. Et là, apparemment, déjà, on va accueillir. Non, on va le faire après. On va le faire après. On va l'accueillir juste après quant à Moziman. Ouais. Ça me laissera le temps de respirer un petit peu. Puisque. Je suis resté rien que pour ça, moi. Tu sais. Mais ça m'étonne pas, ça. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je me suis fait fouetter. Ouais, t'as bien. Hein. Quant à Moziman avec Hello. Et après, on dit de moi sur les croix. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on fait nos appels juste après. Restez sur Fun. Just the rage, just revenge. Le son de Quentin Mossiman avec Hello à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue. Vous venez de débarquer. 23h32. Bon, on va se faire le canular tout à l'heure. On va récupérer Nathan, on va récupérer Bron, Joris, Bruno, Loïc. Dans quelques minutes, de Grenoble, Avignon, de Saint-Dié, de Meurthe-et-Moselle. On aura Besmir aussi de Bruxelles. Et puis, bah, vous le savez, toute la journée, il y a eu le hashtag qui a cartonné sur Twitter tout au long de la journée. C'était le hashtag Moi Boss de Fun Radio. Vous avez eu l'occasion de donner pas mal de défis à tous les animateurs de Fun, ouais. Et évidemment pas de bol, je suis le dernier de la journée et c'est tombé sur moi, donc donc c'est aujourd'hui, donc c'est une journée de merde, hein, on peut le dire, hein, quand même, hein, ce 19 décembre, c'est aujourd'hui le 19, hein. Ah ouais, non mais t'as le pire truc en fait. Ce 19 décembre c'était la journée de merde et donc bah vous avez voté pour que je fasse les que je lance un disque. Donc bon, techniquement c'est 10 secondes, vous allez dire oh, pff, 10 secondes c'est rien, mais 10 secondes c'est très long quand on a un truc problématique. Voilà, bon, on va déjà saluer Malik qui est avec nous, hein, qui est venu avec sa petite copine. Rassurez-vous, je ne vais pas pouvoir me taper sa copine à Malik, hein. Non, impossible. Malheureusement. Comment ça va Malik? Ça va très bien, bonsoir. En pleine forme? En forme. Bon. Mais ta bouche, Malik. Alors. Ah, quelle angoisse. Bon, et donc Malik, tu es venu avec ta petite amie. C'est ça, ma petite amie à poil. Qui est gentille. Plusieurs pattes. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, comment ça se passe? C'est quoi cette horreur? Enfin, elle est très jolie, oh là là. Hein? C'est une mygale. Une araignée, tout simplement. Bah, tout simple, non, moi déjà une araignée de. Qu'on appelle des araignées de poussière dans les coins, tu sais, dans les maisons. Tu sais, quand tu la. Non, la même chose en plus gros. Ouais, mais quand tu la vois déjà, tu dis. T'es surpris. Le temps que tu réfléchisses à te dire comment je vais me débarrasser de ce truc. Alors attention, elle a un nom, une amigale? Bibi. Bibi? Alors Bibi, c'est Bibi, c'est ça? Mimi. Mimi. Alors Mimi, je tiens à te dire que quand je vois une araignée chez moi, j'essaye de la faire sortir. Toujours. Je ne l'écrase pas. Jamais. Sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Mais sinon, j'essaye de la faire sortir. Je prends un truc, j'essaye de la faire sortir comme je peux. Donc, on est potes. Ah, tu crois que c'est le roi des araignées? L'amigale? Ouais. Non, il y a la veuve noire, non? C'est pas au-dessus, ça? C'est quoi le... Non, c'est qui le patron? C'est la veuve noire? Pas en taille, quoi. Non, pas en taille, mais en violence. En violence, en tout ça. Non, ça dépend. Non, l'amigale. Ah, c'est l'amigale quand même. Ah, ils t'ont ramené le pire. En plus, qu'est-ce qu'il faut. J'arrive plus à respirer. Qui t'en voulait sur ce défi? Et en plus. L'enculé! Il a. Attends, il m'a dit. Malik, juste avant, il dit. Ah non, on enlève pas le venin. Il y a du venin, mais on leur met des perles. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de perles. Là. Ah, il y a du venin. Il y a le venin, il y a tout ce qu'il faut. Bon, et donc le but c'est que sur le stagiaire. Ouais, collègue sur le stagiaire. Est-ce que le stagiaire a peur de l'araignée? Ouais, non, ça va. Ah oui, il fait le malin. Mais t'as vu comment il se la ramène depuis quelques jours, depuis qu'il est habillé en Popeye, ouais. Il se la ramène maintenant, tu vois, depuis qu'il a un pull avec des lignes bleues là. Bon, ouais. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Qu'est-ce que une assurance? Oui, je n'ai pas, c'est trop tard. Ben qu'est-ce que je fasse? Bah, je sais pas. Bon, je le fais si Karim va le faire. Non, je sais pas. Non. Pour l'histoire de la croix, tu fais tof à ta place. Bah, ouais, non, mais. Non, faut que tu le fasses. Oh, je t'encourage, moi, est-ce si que tu veux. C'est les mêmes qu'on a dans les Fort Boyard, enfin, dans le non, Fort Boyard. C'est pas la même espèce, non. C'est quoi la différence? La localisation, la géographie. Ouais, enfin, dans l'absolu, c'est la même chose. Celle-ci est un peu plus vénère. Ah, très bien. Ah bah, la bonne nouvelle, tiens. Bon, ok, et donc ben voilà, donc il faut que je sais pas ce que je vais faire. Ah hein, oh, putain, quelle angoisse. Je viens chez toi, tu viens chez moi. C'est mieux d'aller là-bas. Non, vaut mieux que tu ailles. Ah putain. Vaut mieux qu'elle vienne à toi, Mickaël. Ici là, c'est mieux. Alors un seul truc, faut pas souffler dessus. Pourquoi elle fait quoi si on souffle? Chut, ne parle pas à plus. Ça énerve un petit peu. Le risque n'est pas zéro. Il peut pas me dire comme quand j'ai eu un boa constrictor. T'inquiète, de toute façon, il y a pas de problème. Le risque n'est pas zéro, j'aime bien. Attends, je mets ma veste d'abord. Hey, si je mets ma veste, ça compte. Ouais, ça compte. Ouais, sur le, bah oui. Le bras, Non, ça compte, ça compte. Non, mais je m'en fous. Je prends ma... Oh putain, mais ça pèse combien? Ah non, mais elle est énorme. C'est monstrueux. Oh là là. C'est... Hey, pour les gens qui nous écoutent, c'est la paume de la main, quoi. Ouais. Même plus, c'est une main entière. Mais c'est horrible! Oh putain! Et ça a du venin! Attends, je suis pas prêt là, il faut que je suis. Mais c'est une violence là! Ouais, en plus, elle a des petites pattes avec des petites taches orange. Oh putain! Elle a l'air vénère! Ouais, elle est vénère! Attends, et tu. Attends, oh là là, reste là, tranquillement. Tu veux pas lui payer un café, une bière, direct, tu vois? Reste tranquille, tout va bien. En plus, je suis coincé là dans le coin du studio, je peux sortir. Et donc, Et donc tu dois la prendre comment normalement souffle en fait pas. Mais je souffle pas. Tu dois la prendre comment là? Fais gaffe parce que... Ah elle s'accroche en plus hein. Attends, on t'entend mal. Ah non, tu... bon, on t'entend très mal, c'est pas grave. Attends. C'est les crochets en fait. Ça c'est les crochets. Et elle peut te tuer avec le crochet? Ah putain, mais quelle violence. Non, ça tuera pas, mais bon, ça fait mal. Très mal. Il va lui percer la doudoune. Attends, je vais mettre ma veste. Ça perce la doudoune. Je me protège. Ah ouais? Enlève-la. Attends, Prends le manteau de quelqu'un que t'aimes pas. Eh, franchement, je sais même pas si je vais y arriver, parce que là, putain, c'est... Eh, prends le pull de toffe. C'est quoi? T'as un stylo? J'ai un stylo, ouais. Attends, qu'on lui mette un micro, parce qu'on entend rien, le pauvre, là, il essaie de parler depuis tout à l'heure, là. Franchement, ça ne s'entend pas, mais c'est vraiment flippant. Attends, parce que là, il est en train d'essayer de lui faire sortir les petites griffes. Enfin, les griffes, c'est pas des petites griffes, mais de lui faire sortir le... Oh, Mickaël, ce soir, c'est mon héros s'il le fait. Oh le bâtard! C'est-à-dire qu'en fait il y a des pics, on dirait des ongles de chat, sauf qu'il y a du venin dedans, c'est ça hein? Dans crochets, Et, quoi? C'est des crochets. C'est des, des crochets donc. Ah ça bouge! Oh putain, et elle s'énerve! Oh putain, je suis. Vous vous rendez compte qu'on fait tous 1m60 de plus qu'elle? Et qu'on a tous peur? Allez, ça va aller, je. Oh putain. Bon, et pourquoi il y a eu des mecs, ils devaient chanter Joyeux Noël à la radio. Putain, c'est quoi, c'est nul ce défi de merde. Le doc, il a eu de l'hélium tout à l'heure. Oh, génial, ouais. À côté de et génial parler. Ah, salut, ça va. C'est l'autre, il a l'araignée là. Oh. Bon, allez. T'es mon héros, Mickaël, vas-y. Attends. On est avec toi. Attends, je... c'est lourd ou pas? Mais c'est lourd comment? Attends. C'est lourd comme... C'est relatif, une paire de clés, une... Non, c'est lourd. Oh putain. C'est... Bon. Je rappelle que Elliot l'a eu dans son froc. Quoi? Elliot de Bruno dans la radio? Du Bruno? Il a eu dans son froc? Karine, c'est ça? Il l'a eu dans la culotte. Karine? Karine l'a eu dans la culotte. Karina. Oh, ah, ils sont décédés. Ok, bon, donc moi je passe pour une merde quoi, si j'arrive pas à l'assurer. En fait, tu m'as mis la pression, je passe pour un connard quoi. Ok, d'accord. Bon, là j'ai même pas la pub, je peux même pas dire, oh, on va faire une pause. Non. Bon, Mickaël, t'es notre héros, vas-y. Elle est belle, hein? Non, elle est belle. Ouais, ouais. Elle est belle. Je l'ai... Bon. Alors, combien de temps? Qu'on mette un chrono? Qu'est-ce que je fais? Parce que si jamais, enfin, je vais pas l'acheter par terre, hein, t'inquiète pas, Mimi, mais... Ah bah si tu te sens mal ou quoi, tu ne bouges pas, ça sent la peur, ça risque de te planter à tout moment. Le seul truc, si ça te plante, tu ne bronches pas. Moi je la retirerai doucement, D'accord. Il est sérieux en disant ça? Moi, il me plante, je pars en courant, gag, j'ai pas mais le temps. Pourquoi tu coupes pas les pics? Enfin, pas maintenant, mais dans l'absolu. Ce serait pas marrant. Après, oh, c'est vrai que c'est une bonne raison. C'est vrai que c'est une bonne raison. C'est une bonne. Elle a mangé là? Non. Elle a pas mangé. Très bien. Alors très bien. Karima, si je le fais, tu le fais après. Non, non, non. Ah non, j'annonce la couleur. Sur la même table que toi, juste. Mais il faut le faire quoi? Il faut la mettre où? Bah là. Mais moi, j'ai déjà fait mon défi. Sur le bras? Ouais, mais comme ça, je te mets un défi mais... bonus. Alors Malik qui reste à côté de moi, il la d'accord, récupère vite. Très bien. Bon, allez. Je le ferai pas, de toute façon je vais m'enfuir du studio. Oh merde, il fallait pas que je souffle. Et puis il souffle. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Allez, concentre-toi Mickaël, faut allez, que parle. On y va. De toute façon j'en ai rien à foutre, c'est quoi? C'est pas cette, ce truc là qui va me... Oh, ouais, quel est... Ah c'est flippant. Et c'est en plus flippant. C'est la doudoune. Franchement, j'aurais bien voulu le mettre sans doudoune, mais putain, j'ai quand même, je suis quand même... Je suis quand même pas franc là. Eh, c'est la première fois, hein. c'est comme... Allez, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Vers le bas. Ça y est, ça y est. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, quelle angoisse. C'est bon. Souffle pas, souffle non. pas. Eh oh, mais t'emballes pas là. T'emballes. Oh non, ça va, finalement, les coups, hein. Non, ça va, finalement, plus de peur que de mal. Ça va, ma grosse. Malik souffle, là. Hein. Eh, souffle pas, arrête un peu de déconner, là. Eh, je tiens longtemps, là. Combien de temps, là? Ah, aucun d'entre nous ne chronomètre. Non, non, non, non, mais arrête, arrête, arrête de l'exciter, là. Faut savoir que Malik est en train de pousser. La Bigale pour Polo. Ouais. Allez, viens. Non. Allez, viens. Je peux pas. Viens. Il y a Toff derrière. Non, c'est bon, tiens Toff, regarde. Non, oh, putain, bouge trop. Allez, viens ma grosse. Oh, il est courageux Toff, hein. Non, mais t'as vu son pull? Elle même l'araignée. Elle veut pas aller dans le elle a peur du pull. Allez, monte ma grosse. Allez, la Migale. Allez, vas-y Mimi. Non, Bibi, Mimi, comment ça Mimi, Mimi. Mimi. Mimi veut pas, elle veut allez, pas. Allez, va chez Toff, va sur son cou là. Regarde. Calme-toi. Allez, viens Mimi. Allez, Toff, il y va. Elle veut pas. Elle est amoureuse, hein. Putain, il a fait... ça tombe sur moi. Je suis désolé, moi je voulais bien, mais... Rapprochez-vous de Malik, si au cas où il y a une agression. Oui, bah voilà. Écoute, je l'ai eu, là, la Migale. Elle est lourde, là, quand même. Hein. Elle fait son poids, hein. Allez, ma grande. Tu bon, as écoute... gardé une bonne minute, non? Ouais. Ah ouais, mais bravo, Mickaël. Bravo. Ah, défi relevé. Bravo. Non, mais sur la peau, c'était chaud. Après, maintenant que je l'ai eu, franchement, ça va. C'est comme le serpent, la première fois où j'ai eu un serpent, j'étais pas... C'est... J'étais pas... Tu l'as senti se balader sur toi? Ouais. Et là ça va mieux. Alors Karima. Non, c'était faux. Non mais arrête. Non, arrête. Non, la peau, elle est en train de flipper là. Tu veux ma veste? À travers ma veste. Non, pas. Karima, calme-toi. Bon, alors juste l'autre, tu t'installes là, elle reste sur la table. Non, tu la touches pas. Non. Elle est en train. Bon. Mais c'est pas mon émission hein. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eh, t'inquiète, mais franchement je l'ai eu. Je meurs d'envie de le faire mais j'ai trop peur. Mais après tu seras tellement fier. Regarde, moi je suis content là, je suis soulagé là. Putain, la folie totale. Mais elle va s'accrocher dans mon pull, il y a de la maille. Mais justement. Et elle va me mettre ses griffes et tout. Non, voilà, attends, allez. Donc je prends le manteau de Mickaël. Tu vas bras nus. Non. Bref. Je vous explique, il veut que j'aille bras nus. J'ai bon, alors attendez. On met la pub et si tu le mets bras nus, je le mets bras nus aussi. Mais tu sais que je vais pas le faire, c'est pour ça que tu Si, si, on sait jamais. Attends, il est là à côté de toi. Alors, on met la pub, bougez pas, on revient avec Eminem, on revient avec Fede Legrand, on revient également avec Karima, va-t-elle ou pas, moi, boss de Fun Radio, mettez le hashtag bravo, évidemment encore hein, sur Twitter. On revient juste après ça sur Fun Radio, ne bougez pas de là. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Ouh. Allez. Toujours Karima de Loving Fun qui va essayer dans quelques minutes de tenir Bibi. Non, Mimi. Mimi, je fais pas la fière là. Voilà, Mimi sur sa main. Mimi, c'est une Migale. Je l'ai mise sur ma main avec Doudoune. Et j'ai dit à Karima, si elle le fait, je le mets sur le bras nu. Voilà. On n'est pas bien là. Hein. Non, on n'est pas bien. Mais bon, ça va. Franchement, pour l'avoir fait une fois, donc certes, sur la Doudoune, ça va. Tu finalement, c'est pas méchant. Enfin, c'est pas méchant. Ça va. Tu te mets pas trop mal quoi au final. Ouais. Donc, on fait ça dans quelques minutes. Ne bougez pas. Je rappelle qu'il y a toujours. La GoPro a gagné. GoPro qui aurait pu nous servir. On l'aurait mis sur le dos de Mimi là. Hop là, on aurait été au top. Donc c'est la colle de Besmir. Il faut répondre à la colle de Besmir. Je commence la nuit, je finis le matin. Tu peux me voir quand tu regardes la lune. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez dès maintenant M-I-K-L espace la réponse au 64 900 par SMS. Ou alors vous allez directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. c'est aussi simple que ça. On donne la réponse dans une dizaine de minutes. On fera le canular également ce soir. Et puis on va se mettre tout à l'heure, d'ici 10 minutes aussi, le son de Fede Legrand. Ce sera No Good sur Fun Radio. On se met un petit extrait là. Le son de Fede Legrand, je vous le mets tant comme promis dans quelques minutes. Ça va débarquer. Et puis la suite avec l'histoire de l'amigale maintenant. On est de retour là, c'est parti. L'histoire de l'amigale maintenant donc. On fait maintenant ? Ah bah maintenant, on va pas y passer. Tu veux que je passe d'abord de nouveau ou tu veux y aller d'abord ? Je vais le faire. Faut que je m'en débarrasse, j'en peux plus là. Tu vas d'abord ? Ouais, je tiens à dire qu'après je quitterai le studio, donc je vous dis au revoir maintenant. Mais non. De fin d'année. Mais... Tu vas quand même attendre que je le mette moi aussi. Bah je risque en fait, une fois la Mimi sur moi, je risque de la lancer en fait. Mais non. Alors c'est pour ça, attends, tu sais quoi ? Je vais passer premier. Vas-y, d'accord. Et je te la, okay. Elle passera vers toi. Viens chez moi, Karima, viens chez moi. Voilà. Allez hop, c'est parti. Et puis on est bien là, on est pépère. Oh putain, pourquoi j'ai accepté un défi débile ? Je me suis moi-même mis un défi de merde. C'est un truc de ouf. Moi je devrais être chez moi. Voilà. Je me suis moi-même fait mis un truc de merde. Bon. Allez. Comment ça se passe au niveau du cœur ? Au niveau du cœur. Ah ça bat hein ? Je vois la petite. C'est pas mal. Bon allez, vas-y. Ah ça pique hein ? Et en plus il a fait exprès le bâtard de la faire vers le bas pour qu'elle s'accroche. Allez viens Karima. Allez vas-y. Allez. Tu fais pas ça à moi. Aïe, arrête, il est con lui. Bon Karima, allez viens, je l'ai fait là. Tu fais pas ça à moi Malik et tu la reprends très vite. Hein. Ah, c'est bizarre, putain. Non mais c'est stop, mais franchement tu vas être contente. Karima. Karima. C'est qui le patron ? Elle patronne. Allez vas-y Karima. Allez, il soufflera pas. Mais non. Il soufflera pas. Putain, c'est bizarre. Je crois que je suis allergique. Ah, c'est les poils, putain. Attends. Alors ça y est. Allez, on y va. Oh la vache. Tu vois Karima. C'est bon. Et donc Karima, là sur les mains, elle a fait son petit passage là. Ça y est. Bah voilà. Ah mais non, le veut. Eh, je peux l'adopter. Eh voilà, t'as vu. Est-ce que je peux l'adopter? Non, n'exagérons rien, mais... Ah non, tu peux la reprendre, là, elle fait un truc chelou. Bah, elle va te piquer, en fait, jusqu'à la fin. Ah putain, c'est doux. C'est... On va vous mettre la photo, la vidéo. Putain, moi, je crois que je suis allergique, donc ça y est. T'as vu, mais ça pique un peu, sauf que... Mais oui, oh, c'est beau, oh là là, c'est génial. Ce qui est beau, c'est que moi, il me l'a foutu exprès en dessous pour qu'elle, tu sais, elle s'accroche. en faisant tout... Bah, ça fait pas mal, mais ça fait bizarre, quoi. Vas-y, Karima va essayer aussi. Dites-nous si vous avez déjà eu des... Ah oui, elle s'accroche, ouais. Dites-nous si vous avez déjà eu des animaux un peu bizarres, si vous avez eu peur, est-ce que vous avez la phobie d'un animal en particulier. Vous m'appelez maintenant, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Alors attends, viens, on va faire une petite photo avec la bête, là, comme ça je vous la mets, hop là. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais oui, mais ça c'est quand on a un téléphone de merde avec Karima, je vous jure. Oh là là, bon c'est quoi? Allez vas-y, tiens, prends celui-là. J'ai quand même une migale là. Hein, oui, t'as une migale sur toi, ouais. Allez hop, on fait la photo, je vous la mets sur le Facebook. Dans quelques minutes, sur Fun Radio, sur le Facebook de l'émission, donc facebook.com/MIKL officiel. Ça va Karima? Non, je lui fais un bisou. Elle fait un bisou à la migale maintenant, elle est au top. C'est ma pote. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben défi réussi à 23h53, on a enfin terminé cette journée de merde qui était moi boss de Fun Radio. Ah oh, ben ça va mieux là, ça a beaucoup... Putain, j'ai encore des trucs bizarres là sur le bras. À mon avis, elle a dû me mettre un truc bizarre, elle a dû me piquer. Elle a enfanté à l'intérieur de... Ouais, je pense, ouais, t'imagines, on va être parents. Oh là là, l'horreur, l'angoisse, putain. Ah, bravo là. Que ce soit passé. Et reste polo maintenant. Non, je peux pas les gars. Je vais mourir. Mais t'es... C'est bon, fais pas ta... T'es le patron ou t'es pas le patron? Non, je peux pas quoi. Ah, vas-y, bah mets-la moi juste sur la doudoune. Je veux bien sur la doudoune. Voilà, on fera le tour comme ça. Est-ce que t'as aussi Joris qui est avec nous là? Salut Joris, comment ça va? Salut. Ça va, toi aussi t'as une phobie ou pas d'araignée ou de quelque chose? Moi une phobie, les serpents. Les serpents. Ah pourtant moi je préfère les serpents aux araignées hein, pour le coup hein, mais Ah mais ça y est, non, maman, non, là. Non, pas. Ah non, en fait non. Tu sens pas en fait. Voilà, attends parce qu'il y a Polo qui est en train, est tellement perturbé qu'il a pas entendu ce que t'as dit, donc toi les araignées ça va, mais est-ce que t'as déjà vu ou une migale en main? Du tout. Ah voilà, parce que c'est quand même balèze, hein, tu vois, c'est pas la petite araignée qu'il y a chez toi à la maison là. Oh, je l'ai fait. C'est, c'est particulier. Bravo Polo. De quoi Joris? Ça fait quelle sensation de Miguel sur la main? Bah écoute, au début tu flippes ta mère alors qu'en fait il y a aucune raison hein, dans l'absolu. Mais c'est juste que ça pique un peu parce que tu sais elle est censée marcher à l'envers aussi, tu vois, donc elle s'accroche et donc du coup sur la peau ça picote un peu. Et avec mon bol je vais être allergique. donc tu me conseilles d'essayer un jour? Bah franchement ouais. Ouais, il y a rien. Franchement y a pas ouais, de... franchement c'est rigolo à faire quoi. Tu peux y aller. Bon Joris, reste avec nous. On va parler avec Nathan là des cadeaux pourris. On aura Loïc dans quelques minutes également. Loïc, t'es là de Longwy? Ouais, je suis là. Comment ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Bon, bah ça va mieux là. C'est la pression est partie là. Ouais, en fait, il faut tester, puis après ça passe. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas avoir peur des petites bêtes. Hein. Alors, ouais, au fil, bah, c'est vrai qu'elle est petite, mais par rapport à une araignée normale, elle est quand même balèze. Hein, donc, c'est quand même plutôt balèze. On va vous mettre la photo et les vidéos là. Déjà, les photos dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Vous allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Et vous allez voir, vous avez remarqué que Sandro n'a plus de nouvelles. Où est-elle? Sandro a quitté le studio. Ça fait 30 minutes maintenant qu'elle est dans le studio en face. Et parce que, non, elle a la phobie, mais. Phobie maladive des araignées. Mais il paraît que ça se soigne. Oui, pareil, ouais. Mais enfin, après, t'en croises pas tous les jours non plus. Non, hein, c'est clair. Bon, reste avec nous, Loïc, reste avec nous, Joris. Merci beaucoup, Malik, en tout cas, d'être venu avec Mimi, avec l'araignée, avec la migale. Oh, je vous en prie. Et il va se barrer à moto avec sa migale sur le dos, là, pépère. Hein. Vous allez croiser dans la rue, vous allez pas savoir que dans son sac, il y a une migale. C'est ouf. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ouf. Et donc, si jamais elle tombe et qu'elle se barre? Je verrai pas. Ouais, non, ça, bien sûr, mais celui qui la trouve par exemple il l'écrasera. Il est dans la merde. Tu sais que moi je pourrais pas écraser ça hein. Bon, pas que j'ai de la peine pour l'araignée, je suis un peu. Mais même, tu sais, tu l'écrases, elle doit faire. En plus là, vu la taille, ça va faire. Ouais, pas avec des tongs quoi. Ah ouais, c'est clair. Oh là là, mais même avec des grosses bottes, je pourrais pas moi. Oh là là, quelle horreur. Bon bah merci en tout cas Malik. Et puis tu reviens quand plaisir. Tu veux avec d'autres amis la prochaine fois, n'hésite pas. Ça marche. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ça se passe des serpents, je crois, en plus. Ah, mais serpents, j'aime bien, moi. Ouais. Serpents, je trouve ça cool. Ouais, c'est mignon, les serpents. Non, mais moi, j'aime bien. J'ai déjà eu des gros et tout. Je trouve ça bien. Moi, j'ai pas trop peur des serpents. Bon, après, faut pas que je vois non plus les petits, là, tout ça. Mais bon. Il y a Cyriel aussi qui dit: moi, j'ai la phobie des araignées, criquettes et papillons de nuit. Attends, parce que araignée, donc tu te dis, ok, pourquoi pas. Cricket et papillon de nuit, sérieusement Cyriel, t'es sérieuse avec ça quand même? Bon, allez, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va reprendre l'émission normale maintenant, on va dire ça comme ça. Et puis on va revenir avec les appels de Toff, avec le canular. Et on va remercier Karima également d'être passée. Merci, merci à vous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. T'imagines, je sais que vous êtes là le 24 décembre, alors rappelez-moi les gars. Voilà. Il n'y a pas de problème. Oh. Et t'imagines Karima, tu te souviendras de moi toute ma vie, la première fois nous avons été dépucelés ensemble. Avec une araignée. Incroyable. Ça, c'est beau. C'est un souvenir. Allez, bon, incroyable. Gros bisous Karima. Salut. Allez, on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va se mettre maintenant? Bah Fédé Legrand, je l'ai promis depuis tout à l'heure là, il serait peut-être temps de le mettre là. Fédé Legrand et No Good maintenant sur Fun Radio, il est 23h57. Bienvenue si vous venez de débarquer. On va parler également des avant de faire les teubés de la télé, on parlera également du classement des personnalités les plus détestées en 2014. Ah. Et il y a de la surprise. Toff est dedans. Non, je plaisante. Mais il aurait pu, surtout par les Corses, détesté par les Corses. Fédé Legrand, c'est No Good qu'on écoute tout de suite sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Le son de Fédé Legrand sur Fun Radio à l'instant, c'était No Good. Bah bienvenue si vous venez d'arriver, hein. Vous avez raté la journée moi boss de Fun Radio et on l'a terminé justement avec la migale. Merci à l'enculé qui a proposé ce défi de merde là, qui était donc d'avoir une migale sur soi pendant. Le défi c'était 10 secondes. On l'a quand même vachement fait mieux que 10 secondes pour le coup, hein, parce que c'était quand même 10 secondes normalement, je devais lancer un 10 pendant 10 secondes. Certes j'ai pas lancé de titre, mais on l'a quand même gardé beaucoup plus longtemps que 10 secondes. Ouais. Ouais, mais elle était cool. L'araignée, ouais, pépère. Ouais, franchement, elle était pas relou. Elle était rock'n'roll. Tu vois, elle était bon esprit, pépère et tout, tranquille, c'était cool. Bon, je vous mets Eminem avec The Monster à suivre dans quelques minutes. Ça, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Là, restez bien là. Il y aura Tony Junior aussi. Tony Junior avec Twerk Anthem. Mm-hmm. Et puis, je vais vous mettre aussi les photos de ma nouvelle meuf. Elle est un peu poilue, effectivement. Ouais. Et puis avant ça, on va donc rappeler que le 21 décembre, eh bien, c'est le solstice d'hiver. C'est également le premier jour de l'hiver aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc le jour le plus court de l'année. Et surtout, eh bien, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui. Et la journée mondiale de l'orgasme, nous devions de prévenir les gens afin qu'ils sachent que c'était la journée mondiale de l'orgasme et qu'il fallait qu'ils fassent l'amour. Évidemment, il faut qu'ils fassent l'amour un maximum d'ailleurs. Complètement. Donc on appelle maintenant avant de récupérer Nathan, Brune, Joris, Loïc et puis Besmir également pour la colle. Promis, on vous offre la dernière GoPro d'ici quelques minutes. C'est parti, on y va, on fait l'appel tout de suite. Allez, et puis on aura le canular aussi à suivre dans quelques minutes là. Bonjour, vous êtes sur la Ah merde, c'était le répondeur. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on en appelle un autre. Hop là, c'est pas grave, on y va, prêt. On appelle un autre. Bah oui, allons-y. Allez hop, c'est parti. Nickel. Allez. J'espère que ça va décrocher. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. Oui, vous êtes qui ? Je suis Tof, monsieur. Tof, moi je suis Tof Tof. Bonne soirée. D'accord, mais monsieur, allô ? Par contre, c'était pas coupé, c'était un répondeur, Tof. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon, c'est pas grave. Excusez-moi. Mais ce sont les choses qui arrivent, même au meilleur, il n'y a pas de problème. Bon, bah du coup, on va rappeler dans quelques minutes ? Oui, ou sinon. Bah oui, et puis si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas, hein, 01, vous envoyez des numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On va d'abord continuer avec Nathan qui est avec nous, Nathan, t'es là ? Ouais. Ouais, très bien. Nathan qui nous avait appelé pour les cadeaux de Noël pourris. On a également Brown qu'on avait eu. Joris également d'Avignon. Salut Joris. Salut. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Bah écoute, plutôt bien, tranquille, tranquillement Joris, tranquillement. Bon alors, toi, tu voulais aussi donner ton avis par rapport aux cadeaux pourris. Toi, t'as déjà reçu quoi, toi, tu m'as dit ? Moi, c'est les chaussons. Souvent, on reçoit les chaussons par les grands-parents à Noël et c'est vraiment, enfin, c'est pas top quand on sait pas comment réagir. Ah oui, les chaussons, ouais, genre les espèces de chaussettes, là, bizarres. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, oui. C'est... Bon, écoute, après, en même temps, c'est bien, hein, ça fait plaisir aux grands-parents. Hein, tu l'acceptes, tu dis que c'est le plus beau cadeau de ta vie, mais que oui, t'as jamais eu un cadeau aussi énorme, etc., etc. Eux sont contents, et après, bah, t'appelles Fun le 24 décembre, et puis tu l'échanges contre une Xbox, par exemple, tu vois. Parce qu'on sera là le 24 décembre, je tiens à le rappeler. Donc, voilà, bon plan. Et du coup, t'en fais quoi des chaussettes après ? Tu les vires ? Ouais. Ouais, bah oui, j'imagine. Mais Nathan, c'est pas une mauvaise idée, les chaussettes, hein ? Ouais. Bah, c'est ça fait un cadeau pourri, mais c'est bien. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est pas mal. Bah voilà, attends, il y a Bruno aussi qui est avec nous de Grenoble. Salut Bruno. Ah, c'est pas mal, ouais. Nous sommes en communication avec Mars. Allô Bruno ? Il a pris de l'hélium, il s'est fait un défi lui-même. Mais Bruno, t'es sérieux avec cette voix ? C'est ouf. Attends, c'est pas nous. Joris, t'entends une voix bizarre aussi ? Ouais, franchement, c'est bizarre. Ah, Nathan, t'entends aussi une voix bizarre ? Ouais, aussi, ouais. Attends, Bruno ? Bon, écoute Bruno, attends, bouge pas, on va te rappeler Sandro, à mon avis on va te raccrocher au nez, on va te rappeler parce qu'il doit y avoir un problème avec la ligne là. Bruno ! Ah, c'est n'importe quoi, attends, on va rester. Bruno ! C'est dingue ça ! C'est ridicule. Oh, t'as une voix sexy Bruno, je comprends pas ce que tu me dis mais... Bruno, tu fais exprès ? Non, c'est vraiment... R2D2, sors de là, s'il te plaît. Bon, Bruno. On va te rappeler dans quelques minutes, Bruno. Tu restes avec nous ? Très bien, parfait. Et sinon, on allait parler de quoi dans quelques minutes ? Ah, j'adore. C'est énorme. C'est dingue. Très bien. Bon, pas trop d'infos, hein, Bruno. Ne bouge pas, je te renvoie chez Sandro Standard. Loïc, en attendant le long Louis qui est avec nous. Salut Loïc. Salut l'équipe, ça va ? Comment ? Salut. Ah ben toi, on comprend mieux ce que tu racontes, toi. Ah ouais, parce que putain, Bruno, c'était un carnage. Hein. Mais on a rien fait en plus, on l'aime pas. On peut même pas dire quoi, on a mis des trucs spéciaux sur la voix, etc. Rien du tout, hein. Bah, tu me diras, il est minuit passé, hein. Il était peut-être reformé. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, effectivement, il y a peut-être de ça. Bon, alors Loïc, tu voulais nous parler des cadeaux pourris, toi ? Ouais, je vais vous parler des cadeaux pourris. Alors en fait, c'était l'année dernière à Noël. Ouais. Donc t'as vu, je vous laisse vous mettre dans le contexte. Et, ouais. C'est Noël, c'est tout beau et tout. Puis en fait, j'ai un cadeau sous le sapin, et puis je vais pour l'ouvrir. Et puis en fait, il y avait trois bonbonnes de déo dedans. Oh, sympa. Trois bonbonnes de déo ? C'est vexant. Mais attends, pas du déodorant, genre Axe et tout, tu vois. Du déodorant, vraiment, tu vois, première remarque, vraiment, tu mets ça tous les aisselles et je crois que tu chantes un cancer de la peau avec ça, quoi. Je m'étonne, mais... que voilà quoi, les petits les deux premières marques, mais bon c'était juste voilà, bah après donc un délire quoi, je veux dire voilà, c'était juste pour faire un peu rire le jour là quoi, mais c'est vrai que bah tu t'attends pas à ça quoi. Oui non bah ça c'est sûr hein, ça c'est dingue. T'imagines le cadeau ça, là quoi, ah moi je me vexerais. Pourquoi c'est tu quoi, te vexerais? Bah, le mec t'offre des bonbonnes de déodorant, ça veut dire que tu schlingues. Mais non, après ça peut être la vanne. Après ça peut être dit effectivement avec deux. Ça peut être deux trucs. Ouais. Hein. Ça peut être effectivement tu pues ou ça peut être une vanne. Après ça dépend comment toi tu le vis. Hein. Ben moi je l'ai pris dans le sens de la vanne parce que voilà, bah, je pue pas quoi. Je veux dire, je prends ma douche tous les jours, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois. Ça mais dépend comment tu le sens. Bah, sur le truc de la vanne quoi. Pardon? Oui, ça dépend comment tu le sens, c'est la vanne, etc. Bon, non, non, mais oui, non, mais il n'y avait pas de problème de toute façon. Non, après, mais... on a parlé et puis c'était juste pour la vanne, mais je veux dire voilà quoi, c'est marrant, je veux dire bah tu t'attends à un cadeau on va dire original, enfin pour Noël quoi, puis bah tu ouvres ça et puis tu vois du déo, c'est sympa quoi, c'est de rigoler. Tu m'étonnes, c'est cool. Tu m'étonnes. Attends, on a récupéré Bruno. Bruno? Oui. Ah putain, ça y est, il est de retour Bruno. Il est revenu. Mec, on t'entendait, on aurait dit un alien. Ah non, ouais non, je suis malade. Ah ouais. Non, mais rien à voir avec la maladie. T'as des maladies cheloues, toi. Ah non, il y avait un bug, je sais pas quoi, mais on aurait dit un alien, je te le dis direct. On il aurait est revenu dit un de l'espace. Alien. Bah oui, complètement. Bon, Bruno, tu voulais aussi parler des. Ah, je viens de mettre la photo sur le Facebook hein, pour aller voir. Facebook, Instagram et sur Twitter. Tapez M.I.K.L. officiel, la photo avec ma nouvelle meuf, Mimi. Voilà. Ouais. Bon, certes, un peu poilu, je dois bien l'admettre. Mais tu veux voir la photo ou pas, Sandro? Ouais, la photo, ouais. Voilà, là, regarde. Ouais. Arrête! Oh, j'ai peur! Mais il est complètement dedans! Je monte la photo, t'es sérieuse là? Parce que non, il faut expliquer, t'as montré ton iPhone, t'as commencé à monter ton iPhone vers moi, j'ai cru que c'était. Bah oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche! Bah non, elle était elle super belle! Oh là là! Elle était super gentille en plus. En plus, elle était super gentille. Non, Mimi. Je veux dire, elle est moche, oui, elle est jolie en vrai. Elle est bien dessinée et tout. Mais elle est belle ou elle est moche? Non, parce que ça fait peur. Ah bah oui, mais ça, c'est notre problème. Bon, allez voir hein, facebook.com/MIKLOfficiel, ma nouvelle meuf. Plutôt non, elle est sexy. Plutôt sexy. Non, plutôt ouais, sexy, elle plutôt était sexy. Cool. Bon, Bruno, t'as peur des araignées toi ou pas? Non. Non, bah moi franchement ça va mieux. Hein. Ouais. Mais non, si on me ramène une migale, bah ouais, je la reprendrai. Ça en va, fait, quoi. Il faut le faire une fois et puis en fait ça passe. Ouais. Après ça passe. Ouais. Après ça passe, ouais. Bon Bruno. Ah, moi, c'est les serpents, moi j'aime pas. Les serpents. Ouais, moi j'ai déjà eu les serpents et j'ai pas de problème avec les serpents, ça va. Ouais, mais non, mais moi c'est même pas la peine. Moi je pense que Houchel Bol, je passe au record du monde si on en voit. J'ai entendu les sapins. J'ai dit le mec a peur des sapins. Mais non. Les serpents. T'imagines Noël, c'est la pire période de sa vie. Le gars il sort pas. Il sort plus du tout. Là. Mon dieu. Bon, Bruno, vas-y, dis-nous là pour les cadeaux pourris alors. Alors moi, ça serait un pot de chambre. À quoi? Un pot de chambre. Mais quel comme cadeau alors, tu parles? Voilà, comme cadeau. En fait, le pot de chambre, c'est surtout dans la région Rhône-Alpes. Pardon. Vas-y, à ton aise, t'inquiète, pépère. C'est pour le mariage. Après avoir fait la bonne danse, la valse et tout ça. On mélange dans un vase tout ce qu'on a sous la main. Du champagne, du vin, de la nourriture. Donc à boire et à manger dans le même un vase, quoi. Et après, on boit la louchette. Ouais, c'est original. Bah, c'est une tradition, hein. Oui, c'est mignon. Ouais, mais c'est un cadeau bien pourri. J'ai eu. À l'âge de mes 18 ans. D'accord. Et coupez la radio, là. Qui c'est qui a la radio derrière lui? C'est pas moi. Tu sais qu'un pot de chambre, c'est pas ça, hein. C'est pas moi non plus. Bah c'est Nathan. C'est pas moi non plus. Non mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé le coupable. Il sera pendu sur la place publique. Voilà, tout simplement. Bon, vas-y, continue Bruno donc. Donc j'ai eu ça pour mes 18 ans, alors que j'étais célibataire. Donc j'étais très très loin d'être marié quoi. Ah oui, bah c'était célibataire, ah oui, t'es loin d'être marié, ouais. En fait, ils se sont trompés, c'était pas pour toi. Ouais, c'est ça, c'était peut-être ça, effectivement. Ah si, c'était bien dessiné. Il y avait mon prénom. D'accord. Bon, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Attends, il y a Maxime aussi avec nous, là, 23-24. Salut Maxime. Allô. Comment ça va? Ça va et vous, l'équipe? Bon, oui, ça va bien, tranquille. Bah, après la migale, on est bien, là. Tout va mieux, là. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, Maxime, sois le bienvenu. Tu voulais aussi réagir par rapport au cadeau pourri? Ouais. Moi j'ai eu pour mon anniversaire un Godemiché. Ah c'est bon ça. Cool. Et ouais. Et t'en as fait quoi? Comment? Et t'en as fait quoi? Ah bah pas grand chose. Bon arrête ton cinéma là. T'en as fait quoi en vrai? Vas-y dis. Non pas mieux. Vraiment. T'as rien fait avec? Mais tu l'as offert ou pas? Ah non, je l'ai jeté. Bah attends, ça se jette pas un God. T'aurais pu faire une heureuse hein. Bah oui. Tu le gardais pour l'essayer avec ta meuf. Ouais, mais quand c'est une copine qui m'offre un god, c'est mon ex en fait. Quand c'est une copine qui m'offre un god, pour moi, c'est chaud quand même. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ton ex, elle te faisait passer un message. C'est ça, en fait, c'est fini, voilà, etc. T'as qu'à te faire enculer, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, en voilà. Fait, tu causes toujours, enculé. Exactement, c'était ça en fait qu'elle essaie de te faire comprendre. C'est bien aussi comme, comme solution pour mettre fin à une relation, hein. T'offres un god. Bah pourquoi? Bah va te faire enculer. Hop là. Terminé, l'affaire elle est pliée. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée. Bah merci Joris, Loïc, Bruno, il est nouveau coupé. Maxime également, Bron, pareil, hein, merci à vous. Oui, Loïc. Ouais, mais c'est possible de dire juste un petit peu, s'il te plaît. Alors attends, vas-y Loïc, vas-y. Ouais, c'est gentil, merci. Donc je voulais juste passer en fait une dédicace à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, ils sont plusieurs. Ouais. Et je voulais juste aussi dire que je suis un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et je voulais passer le message si les auditeurs de Fun voulaient aller voir sur ma page Facebook, Loïs officiel, Loy apostrophe S. Ouais. Bah ça serait sympa de venir me soutenir parce qu'en ce moment, voilà. Ah c'est la galère, c'est la crise. Ben, il faudrait. Ça va. Il y a des projets qui se préparent. Il y a mon premier album qui sort bientôt. Et est-ce que t'as trouvé un producteur? Ouais, c'est avec un producteur là. Ah bah parfait. S'il y a des gens qui peuvent me suivre un peu plus, le message est voilà. Passé. Et bah Loïs officiel avec apostrophe. Très bien. Le message est passé. Il n'y a pas de problème. Ça marche. T'en prie. Oula, calmez-vous. Vas-y, Brown. Je fais un bisou à ma petite belette qui dort, qui habite juste en face. C'est mon camarade de. L'internat et puis ma petite pionne qui s'appelle Mylène, donc ma petite... Oui, en fait je me suis emballé mais c'est une personne normalement en fait hein, donc bon alors vas-y toi t'as démarré mais les autres ce sera une parce que je suis en train de uploader une photo là de l'amigale et donc du coup je me suis fait avoir. Bon, très bien. Et ben vas-y une personne Maxime. Ouais, je fais une dédicace à Fabien à une personne et voilà l'affaire est pliée. Joris, tu voulais dire aussi? Ouais, moi une dédicace à Terence. Très bien, eh ben ça marche. Bon, ça roule pour les packs fun, vous allez gérer ça avec Sandro Standard, je vous les repasse sans problème. Merci à vous en tout cas d'être passé ce soir sur Fun Radio. Vous restez là, on va faire les teubés de la télé dans quelques minutes. On va parler également des personnalités les plus détestées. D'ailleurs, dites-nous, tiens, s'il y a une personnalité comme ça télé que vous pouvez pas voir en peinture, hein, que ça, elle vous énerve, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Vous mettez ça, vous mettez le hashtag Mickaël et votre message sur Facebook et Twitter. Et puis vous pouvez bien entendu aussi nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va faire un canular dans quelques minutes aussi avec Christophe. Et puis on va se mettre le son de Eminem. Eminem qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Ce sera The Monster. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est de retour en direct sur Fun Radio. Il est minuit 15. On est là jusqu'à 2h du mat. C'est la dernière semaine avant les vacances puisqu'on sera de retour dès dimanche. Car oui, nous ne vous abandonnerons pas pour Noël. On est là de 20h à minuit, dimanche, lundi et mardi également. Mardi soir, réveillon de Noël, 20h minuit. On sera là évidemment. On fera les échanges de cadeaux avec vous. Et on sera les seuls à être en direct puisque tous les autres auront mis soit du best-of, soit de la musique, soit ils vous auront enregistré une émission de merde. Qu'ils auront enregistré il y a 6 mois, en plein mois de juillet, tu vois. Non mais voilà, c'est ça, il y a un moment où il faut dire les choses. On sera avec vous car Noël est une soirée réveillon, une soirée familiale. Et c'est pour ça qu'on la passe avec vous en famille, justement, à partir de 20h, mardi 24 décembre. On sera en direct et on sera les seuls à être en direct avec vous. Comme on le disait, le canular avec Christophe, c'est dans quelques minutes. Et puis on va se faire maintenant, comme promis, le son de Eminem sur Fun Radio. Eminem et Rihanna de Monster. Eminem, Rihanna sur Fun Radio, c'était The Monster, il est minuit 20 et bienvenue si vous venez de débarquer, Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs, et ouais, du lundi au jeudi de 20h, de 23h à 2h et puis le dimanche soir de 20h à minuit, sauf la semaine prochaine où on sera évidemment là de 20h à minuit, dimanche, lundi et mardi pour passer Noël avec vous. Il y a DJ Koma qui dit allez sur Google Images et tapez Tof, vous allez être impressionné. Ah bon, on va aller voir, tiens. Il y a Soum Soum qui dit Yannick Noah, je peux pas le blairer. Ah oui, puisqu'on vous avait demandé si il y avait des gens comme ça que vous pouvez pas voir en peinture. Elodie qui dit ah non mais là c'est abusé, je peux pas, j'ai lâché mon téléphone en voyant ça, il est cassé. Ah oui, c'est par rapport à la Eagle. Ouais, oh, ça va. Il y a Mylène qui dit elle est immonde, je vais en rêver toute la nuit, ma pire phobie c'est bien ça, elle est poilue ta nouvelle copine et c'est une portugaise, c'est drôle ça Mylène. Il y a Lison qui dit comment tu peux toucher une chose aussi, je monte sur ma table quand j'en vois une mini, alors une pareille. Oh, j'avoue qu'au début j'étais pas fier hein. Au début je la suis pas ramenée, mais bon ça va. Nes qui dit super laid de l'araignée Burke, arrêtez de parler de ma meuf comme ça, vous avez compris? Elle s'appelle Mimi et elle est mignonne. Et Nathalie qui dit j'ai offert pour Noël un dernier oignon à mon fils, l'autre une carotte et une patate aux petits. Ils ont pas vraiment apprécié la blague. Sans déconner, tu m'étonnes qu'ils ont pas qu'ils aient pas apprécié la blague là, évidemment. Et puis message aussi qui est arrivé de le prince qui dit exclu Mickaël a une nouvelle meuf ultra sexy. Ah bah je confirme, méga bonasse. Et Johan aussi sur l'application iPhone, je rappelle qu'il y a l'application que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes en tapant et Mickaël nos limites. Johan qui dit Nabila, je peux pas la voir avec son quotient intellectuel digne de Toff. Ça c'est pas mal. Bon, non, on parle plus intelligent. On parle donc des. C'est gentil, ça, Polo. Ouais, parce c'est que avant de faire les top BT, donc on parle du classement des personnalités les plus détestées en 2014. Donc venez nous dire quelle star vous détestez par-dessus tout. Et puis on en parle dans quelques minutes. Et les teubés de la télé avant de faire le canular, eh ben c'est maintenant que ça se passe justement. Les teubés de la télé maintenant sur Fun Radio. Et c'est dans les amours. Eh ben on a fait connaissance avec une nouvelle comédienne. C'est à laquelle vous aimeriez ressembler. Oui. Cotillard, Raymond Cotillard. Mario Cotillard. C'est pas Raymond, hein. Mais parce que Raymond Cotillard, je suis sûr qu'elle serait moins sexy quand même. Ouais, et puis sur France 3, ça se lâche de grand matin sur France 3. Astrid. On y va? Alors, il faut bien la voir, hein. Ça fait du bien. Calme. Allez. Merci beaucoup Charles Perru. Désolé pour la gifle, vous aurez une bifle. Non. À l'issue. Ah ouais, sur France 3. Hein. C'est cool. Est-ce qu'on peut nous rappeler ce qu'est une bifle? Bien sûr, c'est tu prends ta l'action bite. De frapper un visage avec sa bite. Voilà. Voilà, c'est la définition exactement. Bon, on va dans quelques minutes prendre Anthony également là qui voulait donner des nouvelles. On va le faire dans quelques minutes et puis on aura la réponse. Bon, on va la faire maintenant la réponse. On est déjà très en retard avec Besmir là. Besmir, t'es là? Oui. Très bien, toujours avec ces magnifiques patates et ça c'est cool. Ouais, mais bon. Heureux de vivre et ça c'est bon. Mais oui, Besmir qui avait une colle, donc je commence la nuit, je finis le matin, tu peux me voir quand tu regardes la lune, qui suis-je? On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, celui ou celle qui aura envoyé la bonne réponse éventuellement en tout cas. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, il gagne ou elle gagne et tu perds Besmir. Si c'est l'inverse, c'est toi qui gagne. La GoPro, la Hero 3, c'est la dernière qu'on vous offre donc. La Hero 3 Silver Edition, hein, ça vaut 350€ quand même. C'est parti, on y va, on appelle. Allez. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julia. Julia, très bien Julia, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Et je t'appelle pour t'offrir peut-être une GoPro. Mais pour ça, il faut redonner correctement la réponse à la colle de Besmir qu'il va te répéter maintenant. Besmir, on t'écoute. Je commence la nuit, je finis le matin. Tu peux me voir quand tu regardes la nuit. Qui suis-je? Alors? Tu es la lettre M. Bien joué. Eh ben voilà. Franchement, Eh ben voilà Julie. Et puis écoute, avec grand plaisir, à l'occasion de la sortie du film Kick-Ass 2, c'est la GoPro qu'on te file maintenant, la Hero 3. Eh ben bravo merci, Julie. Besmir. Super, je vous écoute tous les soirs et c'est gentil. En plus en ce moment, je vis un coup dur et franchement, vous me remontez le moral. Merci eh ben voilà. Beaucoup. Eh ben écoute, avec plaisir Julie, je te fais plein de bisous. Et puis Besmir, tu restes au standard, on va te filer un pack fun, d'accord? Ok. Salut. Au revoir. Salut à vous, à bientôt, ciao. Et puis on va prendre Anthony dans quelques minutes. Et puis on va surtout maintenant faire le canular. Et le canular c'est avec Christophe que ça se passe maintenant. Salut Christophe. Salut. Comment salut. Ça va? Ça va et vous? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Dernier jour de la semaine en plus, donc plutôt encore plus que pas mal finalement. Hein. Bientôt les vacances, bientôt Noël. T'as prévu un truc pour Noël toi Christophe ou pas? Pas encore. Bon, de quoi on va parler? Enfin si, on va faire un canular comme tous les jeudis, mais ouais, voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme canular? Explique-moi tout. Ben, j'aurais voulu faire un canular à ma copine. Ouais. J'ai un ami qui est homosexuel. Ouais. Et elle aime pas du tout ça, les homosexuels. Et donc elle a peur pour son mec, elle a raison. Ah ouais, elle est jalouse. C'est une vraie Corse. Ouais, elle est jalouse. Ouais. C'est ça. D'accord, ok, oui. Je vais croire qu'en fait, je vais me mettre avec lui, que je sois avec lui. Oh l'enculé. Bon, et comment il s'appelle lui? Il s'appelle Eric, d'accord, ok. Et alors, t'es ami avec lui depuis combien de temps? Ouf, ça fait presque une dizaine d'années. Ah, d'accord. Oui. Et il a toujours été gay ou il a fait son coming out? Toujours. D'accord, enfin toujours, dans l'absolu, ok. Voilà, il a... Très bien. Ça avait dû, voilà. Ok, et toi jamais? Non, il n'y a rien de mieux qu'une femme. Hein. Ah oui, ah. C'est vrai. Bah quand on est hétéro, oui, après les gays vont dire l'inverse, forcément, c'est normal. Oui. Bon, écoute, comment elle s'appelle ta copine, elle? Marina, ok. T'es avec elle depuis combien de temps? 3 ans. Non, en plus, elle est arrivée au milieu, elle est sérieuse, là? Et elle fait son cinéma, là? Elle a raison, attends, moi, je suis avec Marina, déconner, je la soutiens, moi, Marina, bah, oui. Je suis avec toi. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que... Elle est où, là, maintenant, par rapport à toi? Ben là, elle est chez moi, à la maison, elle est. Ah, et toi, t'es où? Moi, je suis chez un ami. D'accord, ok, très bien. Donc, bah, tu seras chez l'ami de l'ami, chez Michel. Donc, c'est moi. Et puis, ouais. Et puis, on trouvera bien des plans. On est, ouais, c'est ça. Une petite soirée pépère là, on boit un verre et tout. Oh, qu'est-ce qu'on est bien les filles. Voilà, c'est la folie totale. Ah bah, oui, à moi. Oh là là. On est en mode soirée. Moi, je suis trop heureuse. Bon, je suis en train de mouiller. Écoute, on y va. Je rappelle qu'il y a un casque focal de 200€ à la clé. Hein, si on se marre bien, donc soit bon, hein, soit très bon même. Et puis, bonne chance, Christophe. C'est parti. Ça va, c'est parti. Allez, on l'appelle. Et puis nous, on est derrière. Hein, t'inquiète. Hein. Ça va. Voilà, ah bah oui, moi, je suis toujours derrière. Ah, bah, j'imagine bien, Jean-Claude. Elle est cochonne. Allez, c'est parti. Allô ? Oui ? Oui, ça va ? Ça va et toi ? Oui, t'es où ? Tu es à la maison. Hein. Bon, ben, je t'appelle pour t'annoncer quelque chose, en fait. Ouais. C'est pour te dire que il y a un soir, c'est ce que je suis sorti. Mmh. En fait, c'était pas avec la personne que je t'ai dit, j'étais avec Eric. Et en fait, ben, en fin de soirée, c'est passé ce qui devait se passer. Et voilà, et maintenant, ça fait un mois et demi qu'on est ensemble et que je te trompe avec lui. Alors, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et en fait, tu m'annonces après 3 ans que tu es pédé en fait. Ben moi aussi je croyais que voilà, ben maintenant j'ai compris que je suis pédé. Hein. C'est bon, tu lui as dit, c'est ok. Ben ouais, je lui ai dit là. Bon, hein, on fait la fête les minous. Eh ben écoute, on va fêter ça, tu peux raccrocher, c'est parfait. Hein. Allez, champagne. Allez, hop, attends, je vais le sortir. Allez, tu me mets le bouchon. Très bien. Champagne, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Eh ben Eric, viens à la maison, tu prends les affaires à Christophe, comme ça tu te barres avec lui. On va venir tous les deux chercher les affaires, hein. Ne fais pas de soucis. Hein. Dis-lui qu'on vient avec. Dis-lui qu'on vient avec. Ben non, il n'y a pas de soucis. C'est quoi, je t'attends. C'est quoi, attends, prends les affaires à Christophe avec. Allô. C'est quoi? Allô. Les choupinous, on se met pas un coup avant d'y aller? Ouais, attends. Allô. Choupinous et pas choupinous. Ouais. Allô, c'est Michel. Vous êtes combien là en fait? Bonsoir. Bah, on est 4. Bah, on est 4. On est 4 et on est. Oui, on est là. Voilà, on voulait que tu viennes faire la fête avec nous pour fêter la nouvelle. Ah ouais, non, mais laisse tomber, hein. Bon, et dis-moi, alors, est-ce qu'on peut passer éventuellement ce soir pour les affaires? Il y a pas de souci, je t'attends de pied ferme à la maison. Vas-y, passe quand tu veux. Je vais te repasser Christophe pendant qu'on va démarrer la voiture. D'accord, ça marche. Tiens, Christophe, je te repasse ta pouf. Allô? Non, mais allô, là, en fait, tu prends pour une conne, là. Non, ben, écoute, il m'a attiré, et voilà. Maintenant, on a attiré l'un vers l'autre, et... Je compte faire ma vie avec lui. Hein. Et il a été tiré aussi. Ah bah oui, oh là là, dans tous les sens. Ah bah c'est cool. Mais tu sais quoi, maintenant qu'ils ont ils ont mis en place la loi des homosexuels, tu pourras te marier avec eux. Ah ça là, tu vas trop vite, là, pas de suite. D'abord, je vais vivre avec lui, on va prendre ça, c'est pas... Attends, je te passe Jean-Claude pendant que je discute avec ton ami. Vas-y, passe Jean-Claude, vas-y. Allô, bah alors comme... Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Là, en fait, vous êtes en train de me faire monter la haine. Mais pas du tout. Quand vous allez monter, je vais vous casser la bouche, mais à tous. Mais attends. Vous allez tous vous donner la main. Mais non, nous, attends, nous, on est amour. Je vous attends. Non, attends, nous, on est que amour, paix et tout va bien. Mais pourquoi ouais, est-ce qu'elle s'énerve? Je ne suis pas à la maison parce que je suis pas du tout amour, en fait. Ah bah oui, j'entends ça, mais il faut pas, faut te déstresser, ma chérie. Hein. Ah bah ouais, bah écoute, hein, moi, je suis pas trop comme ça, tu vois. Après la sortie du boulot, après 3 ans... Il m'annonce ça, je suis pas trop d'accord. Mais oui, mais bon, ça arrive, il a glissé, il est tombé, il s'est empalé, qu'est-ce que tu veux? Eh ouais, mais je pense que vous êtes là pour le rattraper, il n'y a pas de soucis. Ah bah oui, oh, t'inquiète pas, je l'ai bien rattrapé, hein. Oh là là. Ah ben je m'en doute. Et attends, maintenant il a le trou du cul comme une autoroute. Ah mais j'ai pas envie de voir ça, t'inquiète pas. Et moi, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas sexuellement, qu'on fasse pas de bêtises? Ah mais ça reste à découvrir, tu peux y aller hein. T'es une cruche, une c'est cruche, tout. Une cruche, une dinde. Vas-y, monte à la maison, je vais te casser la bouche maintenant. Vas-y, mais tu vas me casser la bouche avec quoi? Avec tes petites mains, tes petites mains de femme? Eh ben moi tu vas peut-être me casser la bouche, mais lui il cassera plus le cul, hein, ça c'est sûr. Voilà. Non mais. Monte, y a pas. Écoute, je te demande un service entre filles, tu me le donnes même pas. Passe-moi Christophe. Bah attends, une seconde, il est parti aux toilettes. Non, je m'en fous, passe-moi Christophe. Bah je vais pas, oui, je veux bien te baiser Christophe, mais il n'est pas là, il est aux toilettes. Non, est-ce que tu peux patienter? Christophe, passe-moi Christophe. Ah pardon, j'avais compris, baiser Christophe. Ah, quelle écruche. Ah bah oui, mais qu'est-ce que t'es bête, ma chérie. Bon. Non, baisse-le toi si tu veux, mais moi tu me passes Christophe. Bon, alors attends une seconde. Bon, est-ce que tu peux quand même me donner une petite info? Non. Une toute petite. Non, il n'y a rien. Allez, minou, minou, une petite. Non, non, il n'y a pas de minou, il n'y a pas de chérie, il n'y a plus rien. Et on se fera les ongles ensemble la semaine prochaine. J'en ai rien à foutre. Oh là là. Je sais pas comment t'as fait pour tenir aussi longtemps avec cette... Je sais pas comment t'as fait pour tenir aussi longtemps avec cette cruche, Christophe. Ah ouais, non, c'est clair. Écoute, je te la repasse. Elle a l'air bête comme ses pieds. C'est incroyable, elle est stupide. Oui, vas-y, allez, passe-moi le Christophe. Elle est bête. Bon, écoute, Christophe, merde, passe-moi Christophe maintenant. Je te la repasse, Christophe, mais elle est bête. Vas-y, allez. Bête. Dégage. Allô, Christophe. Elle est bête. Ah oui, complètement. Et en fait, tu es avec une... Tu fais une partout géante, là, en fait. Pas encore, je pense que dans la soirée. Pas encore, mais en plus tu es sérieux, sans déconner. Mais c'est pas de ma faute si maintenant je suis attiré vers les hommes. C'est de la mienne. Et Christophe, oui. Tu peux dire à ta cruche qu'elle peut venir quand même si elle veut. Hein. On n'est pas, on s'arrange, on l'accueillera quand même. Eh ben où je tu es Dis-moi où tu es, je descends. Mais viens, je suis chez Eric. Mais en plus vous êtes tous chez lui là en fait. Eh oui. Et oui. En plus, tu me dis, eh oui. En fait, c'est une orgie géante. Appelle tout Ajaccio la prochaine fois. Non, pas ce point. Bon, mais tu sais quoi, regarde. Je vais raccrocher. Je vais préparer tes affaires. Si dans 30 secondes, je sais pas à la maison, je les brûle. Je mais qu'elle est bête, on sera jamais là dans 30 secondes. Comment tu veux qu'on fasse? Tu peux faire monter la haine, ferme un peu ta gueule. Hein, on peut pas se téléporter. Oh, qu'elle est bête. Vas-y, regarde, passe-moi Christophe, basse maintenant. Ok, elle est bête. Oui. Tu sais quoi, monte à la maison, prends tes affaires, barre-toi. Tu sais quoi, ils vont même pas que mon père il te voit parce que je te jure que le trou du cul il va t'en faire un deuxième. Monte à la maison maintenant. Est-ce que t'as quelque chose à boire, ma chérie? Ou est-ce qu'on doit s'arrêter? Oui, t'inquiète pas, tiens, je vais bien te faire boire. Vas-y, monte à la maison. En tout cas, c'est gentil parce que t'avais l'air un peu aigri au début et je sens qu'avec le fil, on peut devenir copine. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y, monte. C'est super. Écoute, t'avais l'air cruche, mais ça va mieux. Ah, super. Tu vas peut-être me faire changer d'avis, tu vois, sur les PD. Mais peut-être, écoute. Mais peut-être, c'est le but, tu sais, nous sommes des gens comme les autres. Ah, ben ouais. On est juste recto verso, c'est tout. Non, t'inquiète pas, moi, je me retourne pas, moi. Ah, ben, y a pas de problème, et en même temps, c'est pas ton cul que je veux, hein. Ah, ben t'inquiète pas, j'ai bien compris, hein. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Ouais, ben voilà, ben va chez les autres. Hein. Eh ben tant mieux. Voilà, tant mieux, allez, passe-moi Christophe. Eh ben tant mieux. Voilà, allez, ta gueule, passe-moi Christophe. Eh ben tant mieux. Voilà, allez, regarde, je vais te rapprocher au nez, le jour où je vais te voir, je te pétais la bouche. Et elle a un problème avec la bouche. Oh. Elle aime pas sucer cette cochonne. Par contre, toi, ta bouche, elle a été traînée je sais pas où, hein. Passe-moi Christophe maintenant. Oui. Ouais. Alors, tu sais quoi, maintenant, je vais raccrocher. C'est soit tu montes, tu prends tes affaires avec ton chien, soit je les brûle, j'en ai rien à foutre. Oh, je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Mais on arrive. Oh, je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. On arrive, allez, là. Allez. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer, gros PD que tu es. Oh, merde, elle a accroché. Bon, attends, on va la rappeler. Elle a l'air tendue un peu, Christophe. Et je pense malgré tout qu'elle se contient. La pauvre. Elle se contient, on la rappelle. Mais elle est géniale, faut que tu la gardes. Ah ouais, elle a l'air cool. Elle veut casser la bouche à tout le monde, j'adore. J'adore. Ah ouais. Allez, on rappelle. Il vaut mieux que vous soyez cool là. Attends, on rappelle. Allô. Marina, on a été coupé. Ouais, j'ai raccroché, ouais. Mais pourquoi t'as raccroché, ma chérie? Ça se fait pas entre copines. Ah bah oui, alors, qu'est-ce qu'elle est bête. Non, on n'est pas tranquille, on le sera jamais. On mais le si, sera tu ne sais pas encore, c'est tout. Bon, Marina. Quoi? Je voulais que tu t'excuses. Est-ce que tu peux t'excuser envers moi? Mais t'excuser de quoi? Qu'est-ce que tu veux t'excuser? Mais n'importe quoi, mais tu crois... Mais parce que t'as été méchante avec nous, alors je voudrais que tu t'excuses. Mais vilaine! Tu sais quoi? Tu me foires une relation de 3 ans, on est fiancés et tout, tu sais quoi? Va te la prendre au cul, j'en ai rien à foutre. Ah oui, j'adore! Non mais je voulais que tu t'excuses. Écoute! Je vais te faire trouer partout à Ajaccio, j'en ai plus rien à foutre. Oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Écoute, ma chérie, je vais te proposer un plan. Non mais on n'est pas chérie, ne m'appelle pas chérie, on n'est pas chérie. Bon mon bébé, on va se proposer un plan. Non, même pas, tu m'appelles Marina, j'ai un prénom, tu m'appelles pas Marina. Bah. Bon écoute ma petite sœur, je vais te proposer un plan. Non même pas, mais tu es en plein délire ou quoi? Bah écoute non, mais on s'appelle comme ça entre copines. Non mais je suis pas pédée moi. Mais ça n'a rien à voir, écoute. T'es pédée comme tu veux, moi non. Mais non, mais d'accord, mais écoute, on s'appelle comme ça entre filles. Non, j'en ai rien à foutre. Non, mais tu es pas une fille pour moi. Tu es pas une fille. Tu m'as dit que tu avais des couilles, alors tu es pas une fille. Mais j'avais, mais j'ai pris rendez-vous. On va les enlever. Cette saloperie, là. Bon, qu'est-ce que tu veux, vas-y. Bon, je voudrais que tu t'excuses d'avoir été aussi vulgaire avec nous. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, mais écoute. Excuse de ma part. Bon, fais un effort. Non, non, non, y a rien. Et je t'annoncerai une bonne nouvelle. Non, je m'en fous, j'ai pas envie de m'excuser. Bon, tu t'excuses et je t'annonce une bonne nouvelle. Non, y a rien pour toi. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je m'en fous, tu m'as gâché ma soirée, tu m'as. Mais non, justement. Dis, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Y a rien, basse, y a rien. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, mais excuse-toi et je t'annonce une bonne nouvelle derrière, mais j'en promis. Mais j'en veux pas, bonne nouvelle. Mais si, je suis sûr que si, au fond de toi. Mais si, tu la veux. Si. Allez. Non, j'en ai rien. Bon, Christophe, dis-lui. Oui. Oui. En fait, c'est un canular, tu passes sur Fun Radio. Allô. Mais tu sais, là. Ben oui. J'aime que toi, j'aime pas les hommes. Ouais. Tu sais quoi, tu m'as mis les nerfs. Oh, c'est rien. Oh, oh là, c'est pour rire. Oh, Marina. Marina. Ça va, ma chérie? Oh là là. Oh la pauvre. Ma chérie. Oui. Ça va. Ah, tu vois, mais là, elle répond. Hein. Non, mais ça va, y a pas de problème, Marina. Tu t'excites. Tu t'excites pour rien, c'est pas grave. Oui, oui. Hein, c'était pas... Je t'excite pour rien. Attends, tu as vu ce qu'il me dit? Non, mais c'est pas drôle, hein. Mais si, c'était drôle. Oh, c'est si. La poche, la haine. Parce que regarde, maintenant, tu vas être content, tu vas être contente. Il va rentrer, il va revenir avec sa virilité, etc. Ouais, etc. On verra s'il va rentrer. Hein. Avec un qui va mieux. On verra, il va peut-être dormir 2-3 jours dehors. Ouais, ouais, bah, tu iras dormir chéric, Christophe. Ouais, au pire. Hein. Bah, voilà. Fais-le disparaître dans le maquis, Marina. Exactement, ouais. Ouais. Oh, tu fais péter le bordel et tu lui mets. Tu lui plastiques le cul. Voilà. Y a mon père qui va s'en charger, y a pas de. Parfait. Ouais, dis-le à ton père que le beau-fils a fait de la merde et qu'il a failli virer sa cutie. Je pense qu'il va apprécier. Oh, ah ouais, il adore ça en plus. Oh putain. Y a pourquoi pas de soucis. Très bien, on fait ça alors. Bon, on va vous filer le numéro. Je peux pas avoir le numéro de son père, parce que je crois qu'il y a moyen de s'amuser. Ah ouais, je pense, ouais. Bon, ah ouais, ouais, quoique, ouais, je peux vous le donner. Si ah ouais, avec plaisir. Ah bah très bien, bah, on prend note, ne bouge pas. Bon, bah Marina et Christophe, on va vous filer le casque focal de 200€ comme promis. Vous restez bien au standard et je vous fais des gros bisous à tous les deux. Allez, gros bisous, ciao. Ouais, et du coup, on va prendre le numéro de. Oubliez pas de prendre le numéro du père, on va appeler dans quelques minutes le père. Avec plaisir. Mais on va lui poser la question du jour. Mais oui. Le 21 décembre, c'est certes le solstice d'hiver et le jour de l'hiver, mais que surtout, c'est également la journée mondiale de l'orgasme. Ah oui. On fait ça dans quelques minutes. On va parler donc des personnalités les plus détestées en 2014. Il y a DJ Coma qui dit vous avez bien fait la voix de PD, bravo les gars. Vous serez là la semaine prochaine, c'est Flavien. Oui, on sera là jusqu'à mardi soir inclus. Il y a Magda également qui dit il était génial le canular, les Biflix, il j'adore quand off et le gay. Il y a Birthday aussi. J'en peux plus, je suis plié. J'adore Marina, c'est Mickaël qui a envoyé le message. Il y a William également. Trop débarque. Sarah sur le Twitter, allez partout, elle va devenir dingue la fille, tu m'étonnes la pauvre. Et DJ Comac aussi, partout chéri, mort de rire, allez Toff, avoue que t'aimes bien ça. Bah oui, mais t'inquiète pas. Moi j'adore. Il doit pas l'avouer, il aime bien. Et Anthony aussi, mort de rire la nana, je vais vous casser la bouche. Le prince Nadia qui dit Michel, tu es toute jolie mignonne ce soir, youhou. Et puis Ness qui dit vous jouez bien les gays. Et Maëlan également, je déteste Ribéry et Nabila. Bon, dites-nous les gens de télé, qui vous détestez le plus? On fera, j'ai le classement sous les yeux. Je fais pas de télé moi. Non, alors en 20ème place par exemple, il y a Jennifer, 18%. En 19ème, il y a Yannick Noah. 18ème, c'est Laurent Ruquier. 17ème, c'est Léa Seydoux. 16ème, c'est Audrey Pulvar. Voilà, donc comme ça, ça vous donne une idée. Et on ira jusqu'à la numéro 1, à votre avis. Qui sera justement la numéro 1? Et quelle est la personne que vous détestez le plus à la télé? Garçon ou fille? On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis je vous calerai aussi le son de Tony Junior. Ouais, Tony Junior, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Ce sera Twerk Anthem. Passez une bonne nuit sur Fun. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Si je n'allume pas le micro, ça ne marchera pas bien, évidemment. Il est minuit 42 sur Fun. On a fait le canular il y a quelques minutes. On va parler des personnalités les plus détestées. Il y a Jaloux aussi qui dit salut à tous. Moi, c'est Laurent Baffi que je peux plus du tout voir. Julien qui dit moi, je peux pas blairer François Hollande alias Flamby. Il y a Daoud Douida qui dit moi, après avoir serré la main de Toff, tu peux m'envoyer 10 migales sans problème. Ouais, la migale qu'on a eue tout à l'heure hein, pour terminer cette journée de, du hashtag moi, boss de Fun Radio. Migale que j'ai dû prendre sur le bras pendant 10 secondes, que j'ai fait plus que 10 secondes d'ailleurs. Au début, c'est vrai que j'étais pas fier et après, finalement, ça s'est bien passé. On a eu un petit feeling comme ça avec l'araignée. Donc, si vous voulez voir ça, c'est sur le Facebook que ça se passe. Vous pouvez aller voir la photo. Il y a la vidéo qui arrivera aussi. Facebook.com/MIKL officiel. Je l'ai promis tout à l'heure, le son de Twerk Anthem maintenant. C'est Tony Junior qu'on écoute sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat, 23h, 2h tous les soirs de la semaine et 20h minuit le dimanche. Tony Junior sur Fun Radio avec Twerk Anthem. Bienvenue sur Fun. Si vous voulez débarquer, c'est Mickaël No Limit. Il y a Let's Be Freaks qui dit un des cadeaux pourris que j'ai reçu, c'est un album de Yannick Noah offert par Mickaël. Ouais, mais on m'avait forcé à l'époque, j'étais pas consentant de cette connerie. Il y a Shippers Baby qui dit moi j'ai horreur de IM. Amélie qui dit moi c'est Muriel Robin que je peux pas voir. C'est quoi aussi comme message? Moi le 26 anniversaire de ma soeur, peux-tu lui sortir une insulte pour son anniversaire s'il te plaît? Je pars à Disney, c'est Shona. Alors oui, attends une seconde Shona ma chérie, ne t'inquiète pas. Attends, je vais te mettre quoi là? Des vins. Ouais non, plutôt mettre ça. Oh, bande d'abrutis hein. Eh oui. Bombe d'abruti, tout à fait. Birthday aussi qui dit je vais me faire détester, mais pour moi, je hais Zlatan car il pète plus haut que son pif, il est haut, hein. Ouais. Je le connais pas personnellement après, hein, par, sur le terrain, tu sais pas très bien, mais ouais, je sais pas, peut-être c'est possible. Et puis en plus, péter plus haut que son pif pour Zlatan, ça fait très haut. Ah bah ça fait très très haut, effectivement, je confirme, je confirme. Bon, on va parler des gens que vous pouvez pas piffer là, il y a Anthony également qui est avec nous. Salut Anto. Salut. Comment ça va? Bah ça va depuis l'autre jour. Eh ben tant mieux, écoute, alors sois le bienvenu. Tiens, c'est pas pour ça que t'appelais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux pas voir en peinture? Ouais, il y en a un, ouais, il y a un, enfin quelqu'un que je peux plus voir en peinture, ouais. Qui ça? Non, je parle à la télé, hein. Ah, à la télé? Ouais, tu sais, genre quelqu'un de la télé, un animateur, un chroniqueur, je sais pas. Nabila. Nabila, ah ouais. D'accord, ok. Parce que moi j'avais fait le classement là, enfin j'ai pas fait le classement, j'ai lu le classement. En numéro 15 il y avait Enora qui est chez touche pas à mon poste. Bah touche pas à mon poste, voilà exactement. Hanoun. D'ailleurs on avait Cyril Hanouna, d'ailleurs il y avait la télé, il y a une rediff, une énième rediff. Et alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais elle était sapée, mais une horreur. Elle avait un rouge à lèvres, d'ailleurs pas rouge, elle était mauve. C'était d'une dégueulasserie. Et effectivement, elle est casse-couille parce que le problème c'est qu'elle a toujours tendance à ouvrir sa gueule pour rien. Tu vois, c'est comme un roquet quoi. C'est, en fait c'est un petit peu ça. C'est-à-dire t'as un petit chien et puis après t'as le gros chien, donc le petit chien qui gueule, puis t'as le gros chien qui fait ouf. Et puis t'as le petit chien qui se barre. Mais ouais. C'est un peu cette image que j'ai. Je la connais pas personnellement, mais c'est l'image qu'en tout cas que j'ai en regardant tout ce qu'elle fait à la télé. Voilà. Bon, il y a en numéro 14, il y a Nicolas Bedos. En 13, il y a Jamel Debbouze. En 12, il y a Carla Bruni. Il y a 11, il y a Roselyne Bachelot. Depardieu en 10, Arthur en 9, Castaldi en 8. Alain Delon en 7 et Sarkozy en 6. Et les 5 premiers, je vais vous lire dans quelques minutes. Numéro 5, je l'ai perdu dans mes feuilles. Numéro 5, Valérie Trier, enfin Madame Hollande. Numéro 4, François Hollande. Ribéry en 3, Zaya en 2 et Nabila en 1, effectivement. Nabila étant la meuf la plus détestée du PAF. C'est bien. Ouais, mais ça me paraît tellement normal en même temps parce que. Elle a le même problème qu'Elora. Ah non, même pas. Non, parce qu'elle se la ramène pas trop, Nabila. Enfin, non. Elle gueule pas trop. Elle fait la bête ou elle est bête, je sais pas. Mais ouais, en tout mais cas, elle est drôle. Moi, elle me fait rire, Nabila. Hein. Oui, je c'est la vrai. Déteste pas. Alors que l'autre pas, t'as remarqué. Bon, alors Anthony. Oui. Bon, tu voulais donner des nouvelles de quoi, toi? Bah, en fait, je suis passé le 24 novembre le soir pour ma copine pour chercher à récupérer. Ah, parce qu'il faut nous rappeler les choses, hein, parce que le 24 novembre, ça fait un mois. Hein. Ouais c'est ça. Et du coup bah en fait au départ vous voulez plus me parler et tout. Bon bah là on a pris contact et tout, donc là bah ça repart. Samedi on se revoit, par contre j'aurais bien voulu des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse samedi parce que je sais pas quoi faire. Ah voilà. Bah oui, tu m'avais envoyé un message sur Twitter ou sur Facebook, je sais plus. Bah oui je communique avec toi sur Twitter, ouais. Exactement, ouais. Alors quelles sont les solutions? Bah écoute, il y en a pas mal des solutions. Donc en gros, rappelle-nous, donc t'es resté avec elle pendant combien de temps? 2 ans. D'accord. Et ça a cassé il y a combien de temps? Ça a cassé fin septembre. D'accord. Et là, maintenant, t'as un rencard avec elle, donc il y a peut-être moyen de rétablir le bordel. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bah écoute, ça tombe bien en même temps que t'appelles pour ça, parce que je devais en parler hier, puis j'ai oublié, donc j'ai trouvé un article qui explique comment faire pour serrer à tous les coups. C'est bon, ça. Ça tombe pile poil, j'ai envie de dire. Donc d'ailleurs, venez nous dire aussi ce que vous en pensez. Alors l'article explique qu'il faut bien sûr rester soi-même et laisser de la place à la spontanéité, etc., etc. Mais qu'il faut aussi tout planifier. Ah bon? Ouais, alors par exemple, il faut visiter plusieurs endroits lors de la même rencontre, hein, donc en se déplaçant d'un endroit à l'autre, elle est obligée de se concentrer sur vous, tu vois? Ah bon? Ouais, y a un moment, mais c'est toutes les techniques évidemment, il faut pas forcément tout faire, mais en prendre quelques-unes. Choisissez une activité semi-interactive, ouais. Hein, comme les spectacles, les concerts, et il faut éviter le cinéma. Bah oui, ouais, forcément. Ah, complètement, le cinéma c'est dramatique parce que t'as perdu 1h30 de ta vie. Hein. Bah oui, en plus tu peux pas communiquer avec tu elle. Tu peux pas quoi. Communiquer, tu peux pas la voir, tu peux pas essayer d'en fumer parce qu'elle va dire mais je regarde le film. Et voilà, et si tu vas regarder avec elle un film de merde, elle va dire pfff. Ah ouais, toute ta vie, elle va t'en vouloir. Quoi. Ah, et puis si c'est pour l'entendre souffler pendant tout le film, ça va être chiant. Hein. Alors il faut planifier vos sorties, donc même si vous lui faites croire que rien n'est planifié, vous devez quand même avoir l'itinéraire en tête. Vous faites genre le mec qui improvise. Oh, allez, ouais, on va faire ça, tiens, allez hop. C'est parti. Alors qu'en fait, dans ta tête, tout est déjà réservé, tout le bordel. Tout est plié déjà à l'avance, comme ça, il n'y aura pas de problème. Tu notes au moins tout ça, là, Anthony, hein? Pardon, j'ai pas entendu. Tu notes tout ça, qu'est-ce que je viens de dire? Bah ouais, non, bah t'as dit que voilà, ouais, fallait tout planifier, tout ça, mais ouais. Moi, j'avais pensé à un truc. Dis-moi. Je sais pas, l'emmener au restaurant, un truc du genre, etc., cinéma et tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Et c'est ce qu'on vient de dire. Non, cinéma, surtout ouais, pas. Mais j'avais pensé, pas, enfin, j'avais pas de cinéma, mais. En la revoyant, quoi. Mais non, mais pas cinéma, pas de cinéma. Ah. Bah vous mais allez non. Être concentré sur le film sinon. Mais ça sert à rien le cinéma, c'est pas ça qui va t'aider à la récupérer, au contraire. Dites-nous d'ailleurs les filles, appelez-moi maintenant, tiens, comment est-ce que vous avez été récupéré? Si vous aviez viré votre mec ou si lui vous avez viré, comment est-ce que vous avez fait votre délire là pour vous faire récupérer? Ou comment est-ce que le mec a essayé de récupérer? Ou si vous êtes un mec, comment vous avez fait pour réussir à récupérer votre copain ou votre copine? Appelez-moi maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. J'ai d'autres plans encore hein, pour récupérer vos copains, copines. Là, dans quelques minutes, on va en parler. Reste avec nous, Anthony. On va faire un petit appel, puisque je rappelle que le... Ah ben voilà! Tu devrais l'avoir ce soir. Parce qu'on est demain soir, le 21 décembre. Tu devrais l'avoir demain. Anthony, tu la vois quand? Moi, je la vois samedi. Ah bah samedi c'est... là on est le 20, c'est déjà vendredi, donc bah c'est parfait. Le 21 ouais. Décembre, tu sais ce que c'est le 21 décembre? Ouais, c'est le truc de l'orgasme. Exactement. La journée de l'orgasme. Et bah voilà, c'est impeccable. Commence par lui donner cette information. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux, c'est tip top. Bon, alors on va d'abord appeler le père. Il n'y a pas besoin que tu dis 21 décembre pour mettre un orgasme. Hein. Non mais d'accord. Comment mais... ça raconte l'autre? Non mais déjà tu te la ramènes. Mais en plus c'est... Non mais là c'est la journée de l'orgasme. Voilà, tant qu'à faire autant le faire. Bon, ouais, bah oui. Voilà. Bon alors reste avec nous. On va appeler. Okay, t'as écouté le canular qu'on a fait avec Christophe là et sa ouais, copine. Franchement j'étais mort de rire. Bon et ben à la fin on a chopé le numéro du père pour lui faire l'appel là, du 21 décembre. Ça va être bon ça. Encore, ouais, ça bah écoute bon. J'espère en tout cas on va l'appeler maintenant. C'est parti. Reste avec nous Anthony. Les garçons les filles j'attends vos appels, comment est-ce que vous avez déjà été récupéré une ex en fait tout simplement ou un ex, comment vous avez fait votre compte pour que ça marche à tous les coups ou presque. Appelez-moi 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On y va l'appel d'off? Allons-y. Allez, attention c'est le père, on va en Corse de nouveau. Hein. Oh mon dieu. Bah oui, allez, oh. C'est parti, on y va, on appelle direction la Corse maintenant. Justin bizarre. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme, monsieur. Oui. Et donc, du coup, je voulais être sûr que vous alliez faire l'amour. Oui, bien sûr. Hein, vous me promettez? Oui, oui, avec ta femme. Ben, pourquoi vous voulez faire l'amour avec ma femme, monsieur? Eh ben, parce que t'es un connard. Ben, pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous me dites ça? Parce que t'es un connard. Mais pas du tout, monsieur. Si c'est la journée de l'amour, eh ben tu vas faire l'amour avec ta femme, tu casses pas les couilles aux autres. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse tous l'amour en même temps, monsieur. C'est la journée mondiale de l'orgasme. Non, ici tu es en Corse, on fait pas l'amour tous ensemble. Ici, il n'y a pas d'enculé, là. Mais il n'y a pas parlé d'enculé, monsieur. Il y a juste parlé de donner un orgasme à votre femme. Eh ben, donne-lui à ta femme l'orgasme, et pas moi. Ah, vous donnez plus d'orgasme à votre femme, monsieur? Pardon? Non, je dis, vous donnez plus d'orgasme à votre femme? Qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je lui fais à ma femme, mon enculé que tu es? Bah, c'est juste que... Hein? C'est la journée mondiale qu'est-ce de l'orgasme. Qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je fais à ma femme? Mais rien, monsieur. C'est juste la journée mondiale. Hein? Et où tu es, toi? Bah, je suis chez moi, monsieur. Mais où, chez toi? Bah, chez moi. Dis-moi où tu es, moi je vais venir te donner, moi, l'orgasme, espèce d'enculé. Je suis à Paris, monsieur. Quoi? Non, je dis, je suis à Paris. Tu es à Paris, eh bien, moi, je, de temps en temps, je monte à Paris. Donne-moi ton adresse, je vais monter t'enculer, moi. Je vais t'en donner, moi, de l'orgasme. Alors, je suis... T'enculer que tu es. Oui, mais vous serez là pour le 21? Oui, oui, ben, le 21, je serai à Paris. Je vais t'enculer à toi et à ta femme. Ah, mais j'ai pas de femme, hein, monsieur. Tu n'as pas de femme? Non. Eh bien, je vais t'enculer à toi, alors. Comme ça, je vais te montrer, moi, ce que c'est d'emmerder les Corses, espèce d'enculé, voilà. Mais vous êtes homosexuel, monsieur? Quoi? Non, je demandais si vous étiez homosexuel. Non, je suis pas homosexuel, moi. Ici, il n'y en a pas d'homosexuel. Espèce de con. Je sais pas, parce que vous parlez de m'enculer, alors du coup, peut-être j'ai eu peur de m'être mépris et que vous n'ayez pas de femme, mais un homme ouais, dans non, votre non, vie. Non, non, non, ne t'inquiète pas, moi, je suis pas pédé. Je suis pas comme toi, moi. D'accord. Pour emmerder les gens le soir à cette heure-ci, hein, c'est qu'on est des enculés. Mais pas du tout, monsieur, enfin... Ouais, va te faire enculer, va. Oui, mais vous venez alors ou pas? Et non, mais il va pas venir. Hein. Je pense qu'il est, qu'il est un peu homophobe. Hein, non. Parce que, en termes d'enculé, quand même, là, il quand même, faut pas abuser. Hein. Oh, il doit aimer ça, c'est pour ça qu'il en parle beaucoup. Mais peut-être, ouais. On le rappelle. Au final, on sait pas s'il vient le 21. Allez. Non. Allô. Oui, je m'excuse, mais vous avez pas pris l'adresse pour venir. Ah ben donne-moi là ton adresse. Alors, donne. C'est 20 oui. Rue Bayard, ça s'écrit oui. B-A-Y. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je sais comment ça s'écrit, je suis pas un illettré. Et qu'est-ce que tu crois qu'en Corse, on est des illettrés comme chez vous, il y en a beaucoup. Hein? Ben je sais pas, mais d'habitude les gens ils savent pas comment ça s'écrit, ils veulent l'écrire avec non, deux... Non, mais moi je sais comment ça s'écrit. Ah bon. Alors, donne-moi ton adresse et puis arrête de me casser les couilles. Oh. Donc c'est 20 Rue Bayard. Voilà, oui. Hein, et donc, c'est à Paris 8, 75-008. Oui. D'accord. Écoute, quand je monte à Paris, je viens te voir. Ah, mais vous venez pas pour la journée de l'orgasme, alors? Oui, oui, oui, mais je vais monter, le 21, je vais monter. Je vais te donner un orgasme. Ah, bah c'est gentil, c'est gentil, monsieur. Ah, bah c'est gentil. De rien. Hein allez. Ça me fait plaisir que vous veniez. Ah, il est parti, c'est baissé la page. Bon, bah tant mieux, bah, au moins t'as un rencard. Bah, c'est ça, je ne passerai pas mon 21 tout seul. Exactement, bah, nous voilà rassurés. Un jour, ils vont envoyer un tueur, ils vont te démonter. Grave, mais ça va pas tarder à mon avis. Hein. Bon, restez sur Fun Radio, on va parler des ex dans un instant. Alors, des ex, c'est comment vous avez tout simplement réussi à récupérer votre copain ou votre copine. C'est Anthony qui voulait savoir ça, puisqu'il a rendez-vous demain avec son ex, enfin samedi plutôt. Et il se demande comment faire, voilà, pour essayer de pas foirer. On en parle dans quelques minutes, appelez-moi maintenant donc. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Putain, j'ai l'impression d'avoir été allergique à la migale, moi, ça me gratte. Ah, les poils, c'est peut-être. Hein. Ouais, mais il avait dit les poils et tout, t'aurais dû te laver le bras. Ouais, moi il m'a pas dit, donc bon bah du coup c'est pas grave, tant pis. Hein. Ouais, t'auras des petits points rouges demain, c'est pas grave. Bah oui, il y a Paulin aussi, ou Pauline, je sais pas comment on dit, qui dit ah espèce d'enculé que tu es, donne-moi ton adresse, je vais venir t'enculer sur Paris, mort de rire. Et Shippeuse Baby qui dit moi j'ai récupéré mon mec parce que j'étais l'amante, j'ai viré la meuf, du coup il est avec moi. Eh bah très bien. Et Megumi qui dit un premier rendez-vous à la fistinière, y a rien de mieux. Ah bah oui, Megumi, effectivement, oui, la fistinière, quelle bonne idée. Allez, minuit 58 sur Fun Radio, on écoute le son de Showtech maintenant, c'est Booyah. Yes, sir, we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Showtech sur Fun Radio avec Bouya, il y a Sabrina sur le Facebook, il était en direct. Non, en fait on a tout enregistré. On s'est barré là, on est déjà en vacances. Ouais. On est tranquille. Mais oui, on est en direct Sabrina. Il y a le prince Nadia qui dit rendez-vous organisé entre un corps et Toff pour le 21 décembre. Bon orgasme assuré Toff. Ah oui, je vais être bien, être ramené à ma juste valeur. Ouais, Quentin qui dit moi je supporte pas Adixia même si elle est bonne. Oh elle est cool Adixia, c'est une copine en plus. Elle est cool. Ouais, elle est adorable. Et Polo il adore. Oh, je la démonte. Je te démonte. Yannès qui dit plus personne peut la blairer, Nabila, de toute façon. Il y a deux chavannes qui étaient insupportables. C'est Harmony qui avait envoyé le message. Il y a Ikimaru aussi qui dit Afida Turner, elle me dégoûte avec sa tête de caniche. Ah ouais, je déteste Nagui. Il y a Quentin sur l'application iPhone de Michael No Limit que vous pouvez télécharger gratuitement d'ailleurs. Hein, je le rappelle sur iTunes. Je déteste Christophe Maé, moi, et Megumi qui dit il faut tester après. Ça passe un message à comprendre là-dedans. Polo en rapport avec Stéphane, peut-être. Il faut tester, après ça passe. Ah, ouais. C'était par rapport à l'araignée, ça tout à l'heure. Oh là là, ouais. Mais ça fait longtemps. On est très longtemps même. Et Let's Be Flix, il dit j'ai la phobie de tout, moi-même des poissons rouges. Bon, je rappelle qu'on a eu Miguel tout à l'heure dans le studio, on a fait la photo avec. Hein. Je l'ai gardé sur le bras, même si au début, c'est vrai que j'étais pas forcément pour. La photo est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKLOfficiel. Et il y a un message aussi qui est arrivé qui dit c'est Alicia qui dit c'est la dernière fois que je vous écoute, je commence mon travail saisonnier demain soir. Ah bah non, Alicia. Alicia alors. Bon courage. Bah surtout tu vas travailler dans quoi, dis-nous, parce que si c'est au ski par contre on passera quoi. Bah oui, on viendra donner un coup de main. Voilà, on passera te voir sans problème. Bon, et le prince Nadia encore sur le Twitter qui dit je passe des soirées superbes avec vous. Merci beaucoup en tout cas d'être là tous les soirs. De plus en plus nombreux. Merci à vous de faire passer le message d'ailleurs à tout le monde évidemment. On va encore faire d'autres appels dans quelques minutes avec Toff évidemment. Et puis retour avec Anthony qui nous avait appelé pour déjà pour donner des nouvelles, pour nous dire que il avait appelé il y a un mois pour dire que c'était fini avec sa copine, qu'il voulait la récupérer. Là il a enfin un rencard, n'est-ce pas Anthony? Ouais c'est ça. Et bah du coup tu voulais savoir comment tenter de la récupérer entre guillemets à coup sûr. Que je passe pour pas planter quoi, c'est bah, surtout ça. Bah c'est ça. Donc du coup on a Lilia qui est avec nous maintenant 20 ans. Salut Lilia. Bonsoir. Comment ça va de Marseille? Oui, de Marseille. Très bien. Bon, alors, Lilia, tu nous appelles parce que t'as peut-être un conseil à filer à Anthony, toi. Alors, est-ce que t'as récupéré ton mec ou est-ce que c'est ton mec qui t'a récupéré? Non, c'est lui qui m'a récupéré. Ah, et pourquoi ça s'était cassé? Parce qu'en fait, il m'avait trompé. Ah, ah oui, c'est une bonne raison, oui, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Il t'avait trompé avec qui? Avec une fille que je connaissais pas. D'accord, juste un one shot ou il a une histoire? Non, non, c'était juste un plan cul, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon. Voilà. Alors, comment ça s'est passé, dis-nous. Alors, en fait, bon, il m'a reçu. Attends, juste un message pour ton mec d'abord. Non, mais vous êtes une ordure. Voilà, on peut continuer. Non, mais en fait, il m'a reçu par message, par appel, enfin bref, il me lâchait pas, quoi, il me lâchait plus. Ouais. Et moi, c'est est-ce qu'il t'a harcelé et est-ce qu'il ne te lâchait plus comme il n'a plus lâché l'autre qui s'est tapé? Ah non, non. Ah bon. Je sais pas, je demande, moi, je sais pas. Non, non, non. Bon. Et donc, du coup, moi, j'étais dans un immeuble et en fait, il m'avait un jour, ma porte d'entrée, il y avait plein de ballons. Elle avait marqué, je t'aime sur tous les ballons. Oh, c'est trop mignon. Oh, ouais. C'est choupignon. Et il avait pensé à faire... Oh, c'est mignon. Mais il avait pensé à faire ça déjà quand il était en train de bourrer l'autre? Non, je plaisante. Ah, c'est pour rire. Ah, ça va. C'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Ça fait combien de temps qu'il a été voir ailleurs? Est-ce qu'il s'est excusé? Parce qu'il y a un moment, bon, c'est facile de faire ça, mais... Hein. Ah oui, bien sûr, attendez, bien sûr, il s'est excusé. Bon, il a rampé pour se faire pardonner. Est-ce que tu l'as fait ramper comme un chien? Ah oui, 6 mois quand même. Hein. Ah 6 mois. Eh ben, très bien. Ouais. Non mais voilà, parce que il faut laisser le alors, si un mec fait une connerie, ça marche pour la meuf aussi bien sûr. Si un mec fait une connerie qui vous trompe, etc. et qu'après il revient la queue entre les jambes, oh, excuse-moi, blablabla, blablabla, faites-le galérer. Non mais c'est vrai. Ne le récupérez pas comme si comme si c'était normal. Non, faites-le galérer, s'enculer. Non mais c'est vrai. Je ne cautionne pas tout ce que tu viens de dire. Sans déconner. Non mais c'est vrai, il faut vraiment le faire faire galérer, parce que le problème c'est que si vous le récupérez tout de suite, il va se dire oh bah en fait c'est facile. Ouais. Je m'en fous. Je peux tromper ma meuf, après de toute façon elle me récupère, donc pépère. Alors si vous le faites galérer, si vous lui faites mal, genre il est amoureux, il vous fait une déclaration, eh ben c'est pas grave. Vous le tordez quand même si vous avez envie de revenir avec lui, hein. Et vous le tordez quand même. Et si vous êtes courageuse, vous ne le reprenez jamais. Ouais, bon après ça. Non mais ça après il faut voir évidemment. Mais c'est vrai que dans l'idée, il faut pas récupérer tout de suite. Je suis désolé. Et tu nous avais pas dit, ou alors j'ai oublié en tout cas, Anthony, pourquoi c'était cassé avec ta copine? Bah parce que moi j'allais sur des sites de rencontres, j'allais parler à d'autres filles. Ah bah oui. Ouais, mais t'es pas pourquoi tu vas faire ça? Mais parce que j'avais fait, parce que à cette époque-là, on va dire que je savais pas trop ce que je voulais. Et quand là la rupture a eu lieu, en fin de compte, bah je me suis rendu compte que je voulais être avec. Ah, quand il y a eu rupture. Voilà. D'accord, ok. En gros, il m'a fallu ça pour réagir, quoi. Non, parce que à la limite, con, mais bon. Ouais, ce que je peux concevoir, je dis pas que je pardonne, mais ce que je peux concevoir, c'est que voilà, t'es en soirée, t'es ici, t'es là, t'es peu importe, tu rencontres une meuf et puis tu réfléchis pas. Mais de faire la démarche d'aller t'inscrire sur un site de rencontre et de tchatcher des meufs. Alors que t'en as déjà une à la maison. Alors que t'en as une. Un peu comme toi, Toff. Ouais, ouais, mais alors que t'en as une, là, il y a quand même aucune excuse. Tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, j'ai pas été bourré quelqu'un d'autre, quoi. Non mais si tu t'es inscrit sur un site de rencontre, c'était pas pour aller pour comparer la collection de timbres. Ouais, bah oui. Genre, c'est qu'à un moment, t'avais quand même une arrière-pensée là derrière, non? Non, même pas. Si l'occasion se serait présentée, t'aurais été. C'était présenté. Parce que les sites. Non, même pas. Même pas, j'y serais même pas allé. Franchement, j'avais l'occasion quand j'ai eu la rupture. Mais arrête de mentir. Ouais, parce que tu dis ça maintenant, je parie, parce que tu te dis qu'il y a quand même une chance qu'elle écoute l'émission. Mais on sait jamais. Peut-être. Bah non, elle écoute pas l'émission, elle bosse là. Ouais, mais peut-être qu'elle pourra écouter ou qu'on va lui rapporter, etc., etc. Donc c'est clair que tu vas pas dire ouais non, mais moi j'allais là parce que j'avais envie de me pêcher une autre meuf. Hein. Ouh là là, attention, qu'est-ce qu'il y a là? Non. Faut être franc. En tout cas, faut être franc, évidemment. Bon, et attends, il y a aussi Benjamin qu'on va prendre maintenant là. Benjamin, t'es là? Ouais, je suis là. Très bien, de Brest, comment ça va Benji? Bah très bien. Bon, eh ben, très bien. Bah, très bien aussi. Hein. Tiens, on parlait des plans là pour être sûr de récupérer vos copains, vos copines là. Donc j'en étais à planifier la sortie là. Il faut aussi commencer et terminer la rencontre chez vous. Apparemment, c'est important. Ça facilitera. Ça facilitera la conclusion de la soirée. Non, bah, forcément. Bah oui. Non mais c'est vrai. Tu vois, au début, tu sais, là, tu montres que t'es rangé, que t'es propre, tu fais attention, etc. Et après, hop, dernier verre, pépère à la maison. Et puis bon, bah là après. Le Formule 1, ça compte comme un chez soi ou pas? Non, le Formule 1 ne compte pas. Non. D'accord. Non, c'est salle de bain sur le palier. Non, c'est ça. Et non, mais par contre, il faut toujours essayer d'avoir le truc pour qu'elle soit obligée de remonter. Hein? Ah ouais, genre laisse ton téléphone, on va le charger et puis on s'en va, voilà. Tu vois. Comme ça, oui. Après, elle est obligée de revenir pour récupérer le téléphone. Comment il est vicieux, Tom. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est la technique, parce que sinon, quel est l'intérêt? Tu la, quand tu reviens devant chez toi, tu la raccompagnes à sa voiture, elle rentre chez elle. Voilà, le meilleur plan, enfin, j'ai jamais testé, mais en tout cas, c'est facile à faire, c'est genre, tu lui demandes un truc à prêter. Alors, si vous fumez, tu demandes le briquet, si peu importe, un truc à elle. Que t'as besoin 30 secondes chez toi, hop, pendant ce temps-là tu lui parles, tu déposes sur la table et après tu t'espères qu'elle oublie, ouais. Et en revenant tu dis putain, mais je t'avais emprunté le truc tout à l'heure, attends, mais je vais te le chercher où tu montes, comme ça on pourra un dernier verre. Ah bon, d'accord. Hop là. Et nous on tape le même vis. Oh, il oublie de me rendre mon chargeur, ouais. Tant mieux. Toi, s'il avait fait ça avec une meuf, il avait pris son dentier. Depuis, elle est morte, malheureusement. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, sinon, on disait aussi qu'il fallait rester en terrain connu. Alors, apparemment, il faut choisir des endroits où vous croiserez des gens que vous connaissez. Ça prouvera que vous êtes quelqu'un de sociable. Oh, c'est noce. Non, alors, par exemple. Salut, tu vas bien? Ouais, c'est horrible. Salut, ça va? Tu leur mets 5 euros à chacun, tu dis bon quand je passe? Ouais. C'est toi qui fais ça, je crois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je fais ça en boîte, en fait. Je paye des mecs. Comme ça, les meufs, elles ont l'impression que je suis un mec qui pèse dans la boîte. C'est ça, ouais. Bon, Anthony, on est déjà pas mal là, non? Ouais, on est pas mal, ouais. Et alors, il y a le dernier aussi, c'est régler la question du premier baiser le plus tôt possible. Alors, il faut préparer le terrain et puis tenter plusieurs rapprochements physiques. Et puis, dès que vous sentez que l'instant est propice, donc idéalement dans les 30 premières minutes. Quoi ? Idéalement dans les 30 premières minutes, il faut y aller dans un premier baiser, évidemment. Alors, tant que vous la sentez réceptive, bah oui. Mais là, tu te prends une baffe ou la meuf a dit, mais tu m'as pris pour non. qui ? Non mais parce que c'est mieux, c'est toujours mieux d'essayer de, bon 30 minutes c'est peut-être un peu court, mais de le faire au début, parce que si tu le fais à la fin, la meuf elle a peut-être tendance à se dire non bah il s'est rien passé, c'est peut-être mieux qu'il se passe rien, je rentre. Ouais, c'est ça, il faut qu'elle, tu sais, elle va réfléchir et puis après ça va ouais. dire ah oh, en fait finalement il est bien, ça sera mon meilleur ami et puis voilà. Mort. Alors que là c'est mort. Décalé Tof sur le sujet. Hein. Alors ouais, que ça, si non, tu il s'est souvent fait recaler hein, parce ouais. que c'est forcément c'est pour en ça. En fait qu'il... le meilleur moment c'est à la sortie du resto avant d'aller ailleurs. Et normalement 80% du temps ça marche. Oh là là. Bon, ok. Bah, venez nous en parler, vous, hein, de vos premiers rendez-vous, justement, que ce soit bien ou mal passé. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000, les filles. On veut savoir aussi ce que vous en pensez. Les garçons également. Vous pouvez m'appeler en Belgique, hein, 02 851 4x0. Merci, Benjamin, d'être passé. Ouais, bah, et puis, tu reviens quand tu veux, hein. Je peux gratter un petit peu de scène. Oui, bien sûr, pas de problème. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Je te la repasse tout de suite, Benjamin. Ok, nickel. Bien. Salut, Benjamin. À bientôt. Salut. Merci, Lilia, également, d'être passé. Je te fais des bisous. Merci, est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, y a une personne, vas-y. Donc, je passe une dédicace à ma pote Aurore et Axel et leur bébé de 30 ans. D'accord, très bien. Eh ben, le message voilà. est passé, pas de problème. Salut, merci. À bientôt. Ciao à toi, salut à vous. Anthony, bah, reste encore avec nous, on va essayer d'avoir des filles dans quelques minutes pour te donner des conseils, pour voir un peu comment se sont passés vos premiers rendez-vous, bien ou mal. Est-ce que vous avez peut-être reconnu un des trucs que vous avez fait dans ce que je viens de vous raconter là? Vous m'appelez maintenant, on en parle sans problème, on va encore faire des appels avec l'orgasme, puisque c'est la journée mondiale le 21 décembre, c'est-à-dire pas demain mais après-demain, même si techniquement on est déjà le 20 décembre, enfin bon, on va pas chipoter dans le détail. Donc ce sera samedi 21 décembre donc, et puis on va se faire aussi dans quelques minutes le son de qu'est-ce qu'on va se mettre? Oh! Pharrell Williams. Ce sera Happy. 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Hello. Mickaël, no limit. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, allez hop, c'est parti, 1h15 du mat, on est en direct jusqu'à 2h sur Fun Radio, donc balancez vos messages, on va faire d'autres appels avec Tof dans quelques minutes. Et puis bah si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus, attention, 01 42 48 5000, d'où que vous soyez en France, en Belgique au 02 851 4x0, il y a Théo qui dit, bon je dois me coucher, j'ai 3 contrôles demain, ça me saoule demain, oh merde Théo, bah, oui. Bah bon courage en tout cas. Pour récupérer ta copine, dis-lui que t'es toujours amoureux et rappelle-lui les bons moments passés ensemble, c'est Yvan. Ouais, alors attention, vous faites pas avoir... Quand vous retournez avec votre ex ou votre avec votre ex, hein, homme ou femme, peu importe, retournez-y parce que vous avez envie et pas parce que ça vous rappelle de bons souvenirs. qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, hein. Ils retournent parce que ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés ensemble, ouais. Et c'était bien, alors du coup ils retournent. Ouais. Bah non, faut pas retourner pour ça, c'est pas une bonne raison. Ça c'est quand tu t'es séparé, tu sais, genre sur vous engueuliez tout le temps et tout. Tu ouais. vois, voilà, c'est ça. Si tu te sépares parce que t'as trompé. Tu peux te rappeler les bons souvenirs et dire bon allez, c'est quand même une connerie, je l'ai trompé mais j'aurais pas dû. Éventuellement, il y a Marine qui dit ma sœur et moi on kiffe vous écouter, c'est la première fois qu'on vous écoute et qu'on est ensemble. Ah ben voilà Marine, mais bienvenue. Oh espèce de connard, oh bande d'abrutis. Voilà, et alors un message aussi de où est-ce qu'il est, le prince Nadia encore hein, sur le Twitter qui dit alors moi mon ex il peut essayer tout ce qu'il veut, ce sera non quand c'est fini. C'est fini, mais ça dépend encore une fois de la raison. Allez hop, on écoute le son de Pharrell Williams, je vous l'avais promis. Hop, c'est happy. Le son de Pharrell Williams jusqu'au bout avec Happy. Il y aura Taylor Avicii avec Hey Brother. Et puis il y a Raphaël aussi qui envoie un message qui dit je déteste Michel Drucker avec sa tête de petit enfant qui fait caca dans sa culotte. Oui, parce qu'on parlait des stars de la télé que vous détestez. Il y a Let's Be Freaks qui dit je t'attendrai le 21 décembre pour la journée mondiale de l'orgasme, Toff. Ah oui, avec ben plaisir. Voilà. Et Nathaël qui dit gaffe, le Corse va mettre Toff sur la croix. Burke, il n'y a rien d'y penser, ça me donne envie de gerber. Et encore Let's Be Freaks qui dit mon pire cadeau d'anniversaire, c'était une bougie, moi, personnellement. Il y a Steve aussi qui dit je vous salue du Québec, Chris, que votre show est bon. Chris, ça veut dire quoi ça, Chris? Ça doit être putain. Que votre chant, ouais, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, Chris, qui est votre chant? Chris, ah, Christ, le Christ. Ah, Christ, c'est leur spécialité au Québec, c'est toutes leurs insultes, elles sont liées à l'église. D'accord. Ah, c'est Chris, que votre show est bon. Eh ben, Chris, que votre show est bon. Il y a Stéphanie qui dit ah oui, moi, si le mec m'embrasse pas rapidement, c'est mort, je lâche l'affaire. Ah bon? Ah, tu vois, ça, ouais. C'est marrant, ça tient. Ah bon? Ah, c'est marrant. Moi, c'est pas un truc que je fais effectivement au premier coup, hein, ça, c'est sûr, mais bon. On appelle, on continue à appeler puisque c'est le 21 décembre demain, enfin dans l'absolu déjà maintenant, mais je veux dire en vrai ce sera demain. Hein. Et donc 21 décembre. Non, c'est demain, c'est demain. Après-demain, parce que là on est déjà le 20, donc en fait c'est après-demain, mais c'est samedi quoi. Bah samedi c'est voilà. Voilà, samedi c'est le 21 décembre. Et donc c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et donc on appelle des gens hein, pour les prévenir en fait hein, et pour leur demander s'ils comptent faire l'amour le 21 décembre, journée mondiale de l'orgasme. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Et si vous avez des numéros, balancez-les hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr pour qu'on l'ait. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui. Et donc, du coup, je voulais être sûr que vous alliez faire l'amour à votre femme. Mmh. Vous ennuyez beaucoup le soir chez vous ? Non, pourquoi monsieur ? Alors déclinez votre identité. Je m'appelle Toff, monsieur. Et voilà, donc je voulais juste être sûr que vous alliez faire l'amour à votre femme pour le 21 décembre. Ah mais il a accroché, ouais, hein, donc que, très bien. C'est mort, là. Ah, ouais, là, je crois que c'est mort, effectivement. Bon, on va le rappeler, attends. Hop. Retour chez monsieur. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Un flic. Oui, on irait, ouais. Ou en tout cas, il aurait voulu l'être. Oui, monsieur, c'est pas très gentil de raccrocher comme ça. Oui, écoutez, si vous étiez un peu plus courageux, il n'y aurait pas appel privé, on aurait votre numéro, qu'on puisse vous rappeler. Bah, si vous voulez, alors, je vous donne mon numéro, monsieur. De trouver un autre numéro, s'il vous plaît. Mais je vous donne mon numéro, moi, monsieur, si c'est que ça le problème pour pas répondre. Hein ? Mon numéro, c'est le 01. Pourquoi vous me faites chier ? Bah, parce qu'en fait, je veux être sûr que vous fassiez l'amour le 21, comme c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et qu'est-ce que ça vous importe que ça soit le cas ou pas ? Bah, parce que ça se respecte, une journée mondiale, monsieur. Oui. Et donc voilà, donc c'était pour être sûr que vous soyez au courant et que vous respectiez. Oui, d'accord. Voilà. Donc vous allez faire l'amour, promis ? Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie ? Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. L'intériorisation de la connerie, d'accord ? Là, vous faites le kéké des plages, là, c'est bien gentil. Mais déjà, vous faites un appel anonyme. Hein, ce qui prouve une petite acte de lâcheté, vous devez être en haut-parleur avec je ne sais quelle connerie, vous intériorisez votre connerie, vous changez de numéro de téléphone et vous allez faire le kéké ailleurs. D'accord. Mais vous me promettez de faire l'amour alors, monsieur ? Et vous, est-ce que vous me promettez d'arrêter vos conneries ? Si vous me promettez de faire l'amour le 21, j'arrête les conneries, monsieur. Je vous n'avais pas d'ordre à me donner à qui que ce soit. Mais je vous ai pas donné d'ordre, monsieur, c'est vous qui m'avez proposé, alors je vous fais un deal. Si vous voulez, quand on veut jouer quelqu'un d'intelligent, il faut s'assurer que la personne destinataire le soit un petit peu moins. Oui. D'accord ? Je comprends. Oui, parce que là, vous jouez le gars qui assure un maximum, vous êtes à niveau bac plus combien pour faire ce métier ? Allez-y, assurez. Bien sûr, mais en fait, mais c'est moi qui vous pose la question, donc en fait, vous répondez par où ? Est-ce que vous gagnez de l'argent pour faire ça ? Ah bah oui, heureusement, pas beaucoup, mais bon. Combien ? Oh, c'est minable. Vous voyez ? Ouais. Peut-être mieux à faire. reprenez des études. Bah oui, j'aimerais bien, mais vous savez. Vous aurez des filles plus sympas dans votre lit le soir. Ah oui, vous pensez? Oui. Ah, c'est, bah, je vais parce y prendre. N'oubliez pas, le 21, oui, c'est le soir de l'orgasme. Bah oui, je sais bien. Alors, essayez d'assurer un peu plus cette année. D'accord, bah je vais faire un effort, monsieur. Bonne soirée. Merci, au monsieur, au revoir. Putain, il t'a mis minable. Il est bon, il est bon. Il t'a démonté la tête. Oh, le kéké des plages. Le kéké des plages. Non, mais même. Il t'a vu comment il a retourné. Ah ouais, mais à grave. La fin, c'est lui qui pose la question à toi. T'as gardé son numéro. Énorme. Ah non, il est bon là. Il est très très bon là. Oh putain, waouh, pas mal. Ah, quel beau match. Respect. Adoré. Respect à lui-même. Il y a Bailan qui dit ça fait une semaine que je vous écoute parce que j'avais rien à faire. Maintenant, je vous adore. Ah bah écoute, c'est plutôt cool. Merci à toi en tout cas d'écouter. Bah peut-être tous les soirs. Je t'emmerde. Voilà, c'était un petit message de bienvenue, Maëlan, bien entendu, je te fais des gros bisous. Daoud Douida qui dit, moi pour Noël, je reçois juste un SMS de ma mère disant, je te le souhaite pas parce que tu es musulman et que vous ne fêtez pas ça, je ne t'offre rien parce que c'est péché chez toi. Sérieux les gars, ça vaut pas une Xbox One ça? Non. Harmony aussi qui dit, elle est belle celle-là, pourriez-vous intérioriser votre connerie, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai qu'elle était pas mal. Bon, retour avec Anthony et Olivier également qui est avec nous là. Olivier, t'es là? Oui, salut à tous, ça va? Comment ça va, Rouen? Bah, je roule, ça va, routier, donc voilà. Ah, routier, t'es sur Rouen, t'es d'ailleurs? Non, là, je rentre, je reviens de Sochaux, là, donc je rentre à la maison, là. D'accord, et tu roules avec quoi, là, avec le gros bayou? Une semi, ouais, un 44. Ah oui, quand même. Et puis je repars cette nuit, tout le lendemain matin, pour retourner à la borne, puis je reviens à la nuit. Et la remorque, tu la mets où, la remorque, avec le semi de 44? Dans le cul de teuf. Ouais, dans le cul de teuf, il a une salle, avec le corps, qui doit l'enculer sur la croix, peut-être. Non, je vais être bien, là, je vais être refait pour les vacances, là. Ouais, là n'oubliez pas le mouvement qu'on a lancé hier. Faites des croix avec la croix de teuf en dessous. Ouais, attention, c'est une croix en X, hein, en c'est X. Pas une croix catholique. Hein. Bon, très bien. Alors, du coup, Olivier, toi, tu voulais réagir à Anthony, puisque bah, lui, en fait, ça a cassé avec sa copine il y a 3 mois. Il essaye de la récupérer, et là, il a enfin un rencard. Ce sera le 21, c'est samedi, en fait. Et bah, du coup, il voudrait des conseils pour savoir, pour pas rater, quoi, pour pas foirer. Ouais, bah moi ça m'était arrivé avec une ex et puis bah pour la récupérer je l'ai invité à prendre un verre dans un café au début le soir et à prendre un petit resto. D'accord. Tranquille. Pépère. Et puis dans le resto bah j'ai tenu la main mais délicatement pour voir s'il n'y avait pas trop de recul. D'accord. Et puis bon bah elle a pas reculé donc j'ai tenu carrément la main puis en sortant du restaurant bah, c'était au bisou puis on a fini à la maison. Oh, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, il lui a mis des petits coups de piston. Voilà. D'accord, mais t'as bien fait en même temps. Hein. Et, voilà, et rendu une capesse. Et du coup, tu l'as embrassé après combien de temps? Bah, au bout d'une demi-heure à peine. Ah ouais, bah, c'est ce qu'il disait dans l'article que j'ai lu. Hein. Après 30 minutes, il fallait enchaîner. Mais, Et j'étais venu avec une petite rose en même temps. Qu'est-ce qu'il est ringard. Bah, ça a essayé d'atténuer la douleur. Ah oui, bah quelle douleur, effectivement. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Donc, bah, et voilà, peut-être Anthony a un truc à faire. Comment tu sens aussi la fille? Parce que là, nous, on connaît pas l'histoire. Enfin, si on connaît l'histoire, mais on sait pas très bien ce qu'elle ressent, tu vois. Ça se trouve, elle va te voir pour te faire plaisir parce que tu la saoules tellement qu'à un moment, elle s'est dit, bon, bah, ok, je vais aller le voir parce que sinon, il va me prendre la tête encore 1000 ans. Ou est-ce qu'elle a plutôt l'air ouverte? Comment c'est quoi le ressenti? Bah, elle est beaucoup plus ouverte, on va dire, là. Elle est plus ouverte quoi qu'avant? Bah ouais parce que j'ai fait une période de plus lui parler etc. Silence radio complet et elle m'a recontacté et depuis on n'arrête pas de parler chaque jour. Bon là je l'ai eu en ligne ce matin, j'ai eu en ligne hier soir, enfin donc ça c'est mieux quoi, voilà. Ouais c'est mieux effectivement. Bon bah écoute en tout cas je te le souhaite, hein. Bah tu nous rappelles dimanche là ou on te rappelle dimanche pour voir comment ça s'est passé? Ouais au pire ouais. Et bon, bah, puis comment... t'as intérêt à l'orgasmer hein. Ouais c'est le 21 mec. Déjà, faut que je gère mon truc, après on verra. Si j'arrive à gérer le truc, je vous tiendrai au courant. Bon bah, gère. Mais de toute façon, tiens-nous au courant, quoi qu'il arrive, qu'on sache. Ouais. D'accord. Par contre, je voulais demander un truc, enfin je voulais dire un truc. Sur le site de Fun Radio, oui. Tout ce que vous mettez, genre le chéri, je peux te faire cocu, etc., oui. L'appel de top et tout, oui. C'est pas à jour. Ouais, oui, je sais, c'est le stagiaire le qu'on stagiaire doit... va être fouetté. Le stagiaire va faire ça ce week-end. Il va être fouetté tout le week-end. Exactement, d'accord. Il va faire ça ce week-end, le stagiaire, sinon son évaluation sera médiocre. J'ai eu sa tête, il avait l'air perdu. Ouais, complètement. Mais depuis qu'il s'habille avec. En Popeye, c'est en marin, c'est plus le même. Hein. Bah, il s'est pris pour Jean-Paul Gaultier. Hein. Voilà. Depuis qu'il a reçu le même cadeau que tout le monde à Fun, c'est-à-dire une petite bouteille pour Noël et des macarons, il se la ramène. Ouais. il se la ramène le stagiaire. Le stagiaire là. Oh là là, moi, d'une violence. Moi on m'a dit ce matin, il arrive. Ah bah oui, ça c'est sûr. Moi on m'a dit, il est arrivé à l'école ce matin, il se l'a raconté. Mais bien sûr. Et depuis qu'il a un petit casque comme ça pour le standard, alors là, ouf. C'est la folie. Enfin, non, on peut bon, rien lui dire, hein, complètement. Bon, ben merci Olivier d'être passé en tout cas. Et puis, bon courage sur la route. Je te fais un petit dédicace. Allez, vas-y, profite. Tous les routiers qui sont sur la route, bon courage et prudence. Très bien, et eh ben effectivement, on embrasse tout le monde, pas de problème. Ouais. Salut, à bientôt. Continue comme ça. Allez, ciao. Et Anthony, tiens-nous au courant. Hein. Ouais, bah je vous tiens au courant. Et je voulais savoir aussi autre chose. Avant, sur une ancienne radio TT, t'avais la caméra que tu mettais directement qu'on te voyait. Et tu la mettais pas sur fin radio? Ah non, surtout pas, non. Non, vous pouvez pas. Non, parce que... si, on peut, mais moi je veux pas parce qu'on fait de la radio et pas de la télé, tu vois. Ouais, c'est clair, ok, voilà. D'accord. Et je voulais donc, passer une dédicace aussi. Bah vas-y, tu me poses une question, j'ai même pas le temps de répondre. Eh bah du coup, vas-y pour la dédicace. Je passe une dédicace à Jordan qui m'écoutait ce soir de Tours et représente la Team Portugal. Très bien, et bah le message est passé, y a pas de problème. Salut Anthony. Merci. À salut, bientôt. Ciao. Et puis il y en a effectivement qui nous posent la question pour la caméra. C'est que oui, effectivement, on fait de la radio et pas de la télé. Et que même c'est pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez voir la gueule de Toff. C'est à vomir. Ça peut vous perturber. Et si on doit commencer à censurer le truc au moins de 18 ans, ça va commencer à devenir compliqué. Ouais. Donc voilà, on préfère que vous laissiez tout dans l'imagination. Sinon, faudrait faire signer une décharge à chaque auditeur. Exactement. Exactement, ouais. Parce que Toff est nu. Et oui, c'est ça, il anime nu. Et je pose ma bite souvent sur la console. Voilà, c'est ça. Non, sur la console, non, sur ta table peut-être, mais la console, c'est à moi, personne touche. C'est comme ça qu'il allume son micro. Ouais. Tout à fait. Il est 1h30 sur Fun, bienvenue et bonne nuit si vous êtes là, tant mieux. Il y a Vincent qu'on va prendre dans un instant qui va nous parler de. Vincent Vincent. Oh non. Il va nous parler de rien du tout. On va le récupérer dans un instant, c'est les femmes Fontaine. On va en parler, on va faire également petit appel avec Toff encore. Avec et puis plaisir. Le son d'Avicii qu'on écoute maintenant. C'est Hey Brother sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Hey Brother. C'était Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Hey Brother. Et il y aura également dans quelques minutes le retour évidemment de Vincent. On va parler femme fontaine dans quelques minutes avec Vincent. Il y a Andrea aussi, Andreas plutôt, qui dit comment il t'a tué Toff de merde, sac à merde, va bouffe ton caca et refais tes études. Il y a Tatsuya qui dit salut Mickaël, j'ai eu mon cadeau pourri, une bite en peluche avec un cœur avec marqué I love you dessus, je veux bien l'offrir à Toff. Oh bah il sera content, c'est trop gentil. Il pourra leur fourguer une autre meuf. Bah oui. Salut Mika, c'est sympa de passer Noël avec nous. Merci pour tout, à toute l'équipe, c'est Yvan. Avec plaisir, comme on l'a dit, on passe Noël en famille, c'est-à-dire avec vous. On sera là 24 décembre, 20h et plus. Hein. Je pense qu'on terminera à minuit, mais en tout cas, on commencera à 20h, ça c'est sûr. Et on passera la soirée du réveillon en direct avec vous toutes et vous tous. Voilà, pépère, tranquille, à la cool quoi. À la cool. Ouais, cool. À la cool. Voilà. À la cool. À la cool. Pépère grave. Grave pépère. Voilà. En plus, on aura à manger. Oh hein, pour Sandro, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année. Quoi. J'ai hâte de savoir ce qu'on va manger. Oh là là, tu vas toi, voir. Tu vas manger un petit. Il y a un peu de riz et des légumes. Voilà, c'est ça. Et nous, on va se gaver comme donc, des porcs. Un wok, bon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Bon, on va appeler avant de prendre Vincent. On va appeler. On va faire un petit appel là pour cette journée de l'orgasme qui a lieu le 21 décembre. Et bah du coup, faut prévenir les gens, quoi. Bah il faut qu'ils le sachent. Bah, exactement. Ils ne passent pas à côté de cette belle journée. Mais tout à fait. On y va. On appelle une. Oui, allô. Pardon. Non. Comment ça, non? C'est pas Milo. Non, je disais oui, allô. Allô. Oui, allô, comme allô, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si... Enfin, parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme et je voulais savoir si vous alliez faire l'amour. Monsieur, regarde une chose. Yo, je ne sais pas pour français. Je ne comprends bien le français, il y en a qui nous parlent bien le français. Ah oui, d'accord. Alors en fait, 21 décembre, hein, oui. Hein, journée mondiale de fuck. De fuck. Que c'est fuck? Toi dans ta wife. Hein? Vous et votre femme. Oui. Hein, vous. Hop hop hop. Hop hop hop. Oui, vous voyez, hop hop hop. Hein? Eh ben le 21, faut le faire. Oui, si tu me lâches, si tu me portes la tua femme, va bien, parce que la mienne en est là. Alors, j'ai rien compris, mais promettez-moi que vous allez la baiser. Non, tu dois dire une chose, tu me portes la tua femme. Non, j'ai pas compris. Et hop hop hop avec la tua femme, parce que la mienne en est là. Oui, donc, hein, comment ça, elle est pas là? Non, non, tu me portes la tua, la mienne en est là. D'accord, ben j'ai rien compris, mais d'accord. Et non, donc... tu... Je te veux dire notre vote. je fais popote, comme tu dis. Oui. Avec la tua femme, la tua mulher. Ah! Et la mia. Oui. La mia femme, la mia mulher non est là. J'ai pas compris. Eh, va ben. Tu me portes la tua, hein. D'accord. Eh ben, très bien. Eh ben, moi aussi. Mais surtout, n'oubliez pas de bien baiser le 21, parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ok. Hein? Ok, c'est bon, merci. Ben, merci à vous, hein. Bonne soirée. Ciao, au revoir. On sait pas très bien si c'était un portugais ou un italien. Ouais. Parce qu'il y a un moment où il disait va baiser, puis après il y a un moment où il parlait avec l'accent portugais, donc c'est assez bizarre. Enfin, en tout cas, moi je n'ai rien compris. Bah, il voulait baiser ta femme, voilà. Il va baiser ta femme. Il y a Steven qui dit est-ce que vous êtes capable d'appeler au Québec pour faire un coup? Ce serait spécial le versus de nos accents. Et j'ai justement un ami bon parleur. Bah oui, on va lui. Bah, 21 décembre. Attends, une seconde, je l'appelle en direct là. Alors attends. Vas-y, je vais le tabernaquer. Tabernaquer. Attends, parce que le numéro, comment t'expliquer que c'est un peu long là. 67. Hop là. C'est parti. Direction le Canada. Allons. Canada maintenant. Pour leur annoncer que c'est la journée mondiale. La journée mondiale de l'orgasme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, allô, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ah, ok. Et donc, je voulais être sûr que vous alliez faire l'amour. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô. Ah mais qu'est-ce qu'il est relou là. C'est garnement. Un bon parleur, tu parles, attends, on va le rappeler. Eh hey, garnement. Ouais, garnement. Bon, on va le rappeler. Dis donc, merci Steven, hein, c'est un bon parleur. Le apparemment il s'appelle Kevin. Kevin. Kevin. Kevin. Allez, de retour à Québec. Enfin, je sais pas si on est à Québec, en tout cas au Canada. Il décroche plus, mais non. Il fait son relou. Ah si, c'est Québec. Eh ben, tu nous as bien enfumé, hein. Putain. Ok, attends, on va quand même attendre le répondeur. J'ai un toc. Hey, envoyez ton appel à notre système de messagerie vocale. Kevin Bouchard. Kevin, c'est Kevin. N'est pas disponible pour l'instant. Lorsque tu entends le bip, enregistre ton message. C'est naze. Hey, il tutoie là, c'est drôle. Ouais. Lorsque tu atteins le bip, t'imagines, c'est ton boss qui appelle. Lorsque tu atteins le bip. Salut, grand con. Salut, grand con. J'espère que tu vas bien, hein, que ça pose bien là à Québec. Hein. Bon, du coup, c'était pas raté. Hein. Mais merci, ouais. Steven. Hein, bah, super. Marine qui dit oui, moi j'écouterai le soir du réveillon, ça va être top débarras, j'ai hâte. Ah bah cool, hein. Merci Marine, c'est cool que tu sois avec nous. Vincent avec nous de Lille également là. Salut Vincent. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon bah tant mieux, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Bah en fait, ça fait 4 ans que je suis avec ma femme, et en fait c'est une femme fontaine. Ah, c'est bon ça. Je suis pas sûr que ce soit bon, mais personnellement moi ça peut très vite me casser. C'est hein. Énorme. Bah au début c'est la première fois, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Au début je pensais vraiment qu'on aurait dit qu'elle me faisait pipi dessus en fait. Oh mais quelle horreur. Mais sur le coup ça m'avait un peu excité quoi, sur le coup, mais. Ah bon. Et en fait, c'est liquide chaud, tout ça. Enfin, ah oui, mais alors. Ouais, mais là. De la pisse aussi, c'est un liquide chaud, hein. Ouais. Mais ce que t'as oublié de préciser, c'est le vrai inconvénient après. Bah, c'est les draps sont niqués, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est qui dort du côté où elle en a mis partout. Oh, bah, tu les changes. Bah, nous, on a des draps et tout ça, on met des couvertures. En fait, j'ai des matelas en plastique. J'ai dû acheter un matelas en plastique exprès. Mais attends, mais quelle horreur. C'est quoi, c'est un litre? Il y a quoi? Elle lâche combien? Ah non, ouais, c'est beaucoup, hein, c'est impressionnant. Bah, c'est des gros jets quand même, hein, ça va loin. Ça peut aller loin, par exemple, ça peut aller jusqu'au plafond. quelle angoisse. Bon, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Reste là, Vincent. Si vous êtes déjà tombé sur les femmes fontaines, on va en parler dans quelques minutes, justement. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ou si vous êtes une femme fontaine, justement, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin, merci de suivre, ça fait plaisir. Bon allez, restez là, on va parler de Femme Fontaine dans quelques minutes avec le retour de Vincent. On va également encore faire un ou deux appels, Lightoff. Mais avec plaisir. Parce que le 21 décembre, c'est demain, enfin après-demain. Ouais. Ben oui. C'est samedi. Il faut y aller. Et c'est la journée de l'orgasme. On en parle après le son de Michael Moore qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h et c'est White Walls. I wanna be free. I wanna just live. Michael Moore à l'instant sur Fun Radio, c'était White Walls. Bon allez, dernier quart d'heure de l'émission là, avant qu'on se retrouve dimanche à 20h. Et on va se faire un petit appel d'abord avant de récupérer la Femme Fontaine là. Allons-y, appelons. Allez, c'est parti, on y va, on appelle toujours pour annoncer le 21 décembre. C'est la soirée, enfin la journée plutôt, mondiale de l'orgasme. Allez, oula, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attends, je crois que c'était la sonnerie vu le son qui était dégueulasse. C'est marrant ça, dis donc. On va rappeler parce que ça n'a pas fait, ça n'a pas sonné, c'est bizarre. Attends, on rappelle. Ah mais non, maintenant c'est la sonnerie. C'est marrant ça. Pourtant c'est à son téléphone de Stromae. Ouais, c'est bizarre. Bon, allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ouais. Et du coup, je voulais être sûr que vous alliez faire l'amour. Ça ne vous regarde en rien du tout. Mais je vois pas le rapport, madame. Moi, je veux juste être sûr que vous allez faire l'amour, c'est tout. Oui, et alors? Bah, et alors, c'est tout. C'est juste parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme et donc, du coup, ça se respecte. Ouais. Voilà. Bah, c'est bien. Tant bah, oui. Pour vous. Bah, tant mieux. Mais alors, vous me promettez que vous allez faire l'amour? Pas du tout, au revoir et bonne soirée. Non mais attendez madame, faut promettre. Ah bah non, là elle va rien promettre du tout, la raccroche, on la rappelle. Hop, ça va. Ah oui, ça se fait pas. Bah oui, attends. Allez. Oui, allô? Oui, excusez-moi madame, mais vous avez raccroché un peu vite. Et alors? Bah non, parce que vous avez oublié de me promettre que vous alliez faire l'amour le 21. Mais ça ne vous regarde en rien du tout. Non, non, je sais bien que ça me regarde pas, mais je veux juste savoir si vous allez le faire ou pas, c'est tout. Mais même si je vous le promets, c'est pas pour dire que je vais le faire. Oui, mais ça veut dire que vous êtes une menteuse, madame, et ça c'est mal. Mais ça vous regarde pas si je suis menteuse ou pas menteuse. Bah non, ça me regarde pas, mais après bon, c'est... Bah voilà, et bah bonne soirée, et arrêtez de m'appeler. Non, mais vous m'avez pas promis, là, madame. Bah non, on l'a pas promis, là, non, on la rappelle encore un coup, bah là. Bah oui, il faut promettre. Et en attendant, il y a Steven du Canada qui, désolé, les gars, parce qu'il nous a filé son numéro de son pote, soi-disant un beau parleur, au final, il était relou. Ah, ça arrive, Steven, t'inquiète, t'inquiète. Et Piqué Sibé qui dit merci, vous êtes au top, barre de rire. Ah, mais écoute, merci, Piqué. Non. Oui, vous êtes vraiment pas gentil avec moi. Ouais. Hein, je vous demande juste si vous allez faire l'amour, c'est tout. Mais vous êtes qui? Moi, je suis Toff, madame. Combien? Non, Toff, pas combien. Non, mais comment vous dites? Toff. T-O-P-H. Toff. Oui. Ouais. Je connais vachement des pofs. Non, Toff, avec un T, madame, comme dans Thérèse. Hein? Non, je dis... Pff, oh là là. Je dis avec un T, comme dans Thérèse. Oui, mais non, je ne connais pas. Non, je sais bien qu'on se connaît pas. Moi, je veux juste être sûr que vous allez faire l'amour le 21, parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui, mais que ça soit la journée mondiale de l'orgasme. À chaque fois que vous faites l'amour, vous avez un orgasme, vous? Bah ouais. Tout l'homme, oui, mais les femmes, vous arrivez toujours à faire un orgasme pour une femme, vous? Bien sûr. Bah vous êtes le premier homme sur Terre, alors. Ah bah, si vous voulez, on se rencontre, je vous montre. Non, pas du tout, mon mari me convient très bien. Ah bah, vous voyez, alors. J'ai d'autres appels en ligne, alors bonne journée. Non, ils sont pas en ligne parce qu'en fait, ça sonne. Donc vous pouvez laisser sonner, vous décrocherez plus tard. Ah oui, ben non, elle va pas décrocher, elle t'a envoyé la merde là. Ah ouais, franchement, ah quel ouais. Relou. Ah ouais, là ouais. C'est dommage, on n'est pas tombé sur un mec aussi bien que celui-là. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà, hein. Cause toujours, enculé. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, retour avec Vincent là pour parler des Femmes Fontaines pour terminer l'émission. Vincent qui est avec nous, donc qui appelle de Lille, qui est avec une Femme Fontaine. Et en gros, tu nous appelais pourquoi, Vincent? Juste pour le dire ou... Non, c'était pour savoir si c'était courant, des courants en fait, et ça, les Femmes Fontaines. Et puis pour en fait parce que par exemple quand je la laisse et tout ça que elle bah commence oui. à avoir ses projections bah tu oui ça. C'est ça t'es noyé quoi ouais bah, là en fait j'avais trouvé des techniques par exemple moi je mettais des lunettes de plongée en fait et un bouche-nez et un truc ouais tu mets un tuba ou pas non, non c'était comme ça moi j'en avais pas dans les yeux ah bah oui évidemment le bonnet de bain et tout vu comme ça ouais tu mets le bonnet tu sais cool. En même temps ouais. Le bonnet noir et blanc et rouge là tu vois dégueulasse attends il y a également Chris qui est avec nous d'Agen salut Chris 29 ans comment ça va et toi eh ben écoute bien Plutôt pas mal, Chris. Sois le bienvenu. Tu voulais aussi réagir aux femmes fontaines, toi? Ouais, parce que c'est pour dire que moi j'ai eu l'occasion d'y goûter à la femme fontaine et honnêtement, si je peux éviter d'y retoucher, ça m'arrangerait bien. Ah. Dis-moi, explique pourquoi. Parce que franchement, c'est écœurant. T'as l'impression qu'il se fait pisser dessus, c'est grave. C'est mortel. Ah, c'est, j'avoue. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça, c'est je peux quitter la fille pour ça, quoi. Enfin, tu vois. C'est grave, comme c'est impressionnant. Quand il te dit que ça sort des gros jets, ouais, c'est réellement la vérité. Il te sort des gros jets quand elles prennent leurs pieds, qu'elles prennent leurs orgasmes. Tu m'étonnes. Et du coup, toi, Vincent, j'imagine que t'es amoureux, parce que pour faut arriver à regarder. Ce qui m'excite le plus en fait dans ma femme en fait, c'est quand elle jouit, elle tremble, elle n'en peut plus quoi. C'est bandant sale. C'est pas mal, bandant sale. Non, c'est bien. Bandant sale, c'est pas il y mal. Bandant propre et bandant sale. Attends, il y a Thierry avec nous également là de Nantes. Salut Thierry. Oui, salut. Oui, bonsoir. Comment ça va Thierry? Ouais, ça va. Bon, tant mieux. Ah. Alors, Thierry, t'es déjà tombé sur une femme fontaine? Mais oui. Ah oui. Bah, moi, c'était un mec qui m'a éjaculé à la gueule. Ah bon, d'accord, ça n'a rien à voir pourtant. Mais... Une fois, il y en a même qui a failli me noyer. Qui a failli te... Noyer. Te noyer? Ah ouais, ouais. Bah oui, forcément, mais en même temps, c'est la même chose que l'autre, là. C'est-à-dire que Vincent, par exemple, si tu veux, quand il dit qu'il a des jets assez impressionnants... Ah bah là, c'était pas des jets, c'était des flots. C'était quoi? Des flots. Des flots? Ouais. Ouais, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un jet, c'est juste, c'est un gros jet, quoi, large. Un spectre large. Un spectre large, exactement. Et du coup, tu l'as viré, Thierry, ou t'es encore avec elle? Ah bah, c'est elle qui m'a viré. Ah, c'est elle qui t'a viré, oui. Attends, il y a Raphaël aussi qui est avec nous, la 25 ans de Saint-Etienne. Salut Stéphanois. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va toute l'équipe? Bah ouais, ça va. Salut. Bon, eh ben bienvenue à toi Raphaël. Tu voulais donner ton avis toi aussi? Bah ouais, bah en fait je voulais dire que c'est trop génial même une femme fontaine. Ah bah ça fait plaisir. Après, toi t'aimes bien toi. Alors vas-y explique-nous pourquoi. Ça c'est super, j'aime bien. Après ça court pas tout les rues quoi. Heureusement. C'est clair. Faut juste chanter les droits après, après c'est une habitude. C'est pas possible. C'est comme si j'en sais rien moi, tu prends une douche et t'as d'office le jet des pompiers quoi dans la tronche. Il y a un moment tu peux pas t'habituer. Ah ben c'est ça. Et souvent après on peut le faire sous la douche, c'est plus propre après. Sous la douche c'est bien le faire évidemment, mais tout le temps, à chaque fois que tu dois t'as un rapport avec ta meuf, tu dis ah ben comme les femmes fontaines on va aller sur la douche, quoi, tu vois, à chaque fois sous ouais, moi encore, ça va, c'est pas tout le temps, c'est vraiment quand elle est excitée en fait. Ah ouais. C'est bandant sale ou pas? Il y a Stéphanie qui dit mort de rire, le mec il met un masque de plongée pour faire un cunis, c'est tellement sexy, c'est clair. Marine qui dit mort de rire, les lunettes de plongée là, direct il se croit à la piscine. Et Maud qui dit pour une prochaine émission, je peux vous ramener des pitons et des lézards si vous voulez. Oh bah oui, plaisir, moi j'ai pas de problème avec les pitons et les lézards non plus, aucun problème. Bon, eh ben très bien, écoute, tant mieux finalement, tu vois, finalement Vincent. Hein. Ouais, bah ça fait plaisir. On a quand même sur 4 auditeurs 50-50, hein, mais bon, forcément on n'aime pas les femmes fontaines. Bon courage à lui quand même. Écoute, avec plaisir. Oui, mais voilà, toi t'aimes bien aussi, bah Thierry, y a pas de problème. Hein. Bah Chris, merci beaucoup d'Agen. Merci à vous. Et merci à Raphaël également d'être passé. C'est gentil. Vas-y Raphaël, à une personne. Merde. Bah je fais une dédicace à tous les enculés de PD là sur les arbres pots qui nous font chier taper à la porte. Voilà. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Raphaël? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, je suis routier. Calme-toi. Ouais. En fait, je suis routier et à chaque fois, bah, je sais pas pourquoi, j'ai une tête à attirer les PD. Et qu'à chaque fois, ils tapent à la porte. Et petit. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raphaël? Pourquoi tu fais une généralité comme ça? T'es con, quoi? Ah bah parce que, bah, c'est toi, ça, c'est pour dire, c'est les sales PD que j'aime pas. Mais Raphaël, calme-toi, ça te saoule. Mais d'accord, mais c'est comme si tu fais une généralité parce qu'il y a peut-être 10 mecs ou 10 meufs qui vont faire un truc. Tu dis, ah, c'est tous les mêmes. Ah ben, c'est comme si t'es routier toi Raphaël. Ouais, je suis routier. C'est comme si je dis à tous ces enculés de camionneurs savent pas rouler, ces fils de pute là. Quand je suis sur l'autoroute là, ils sont en train de dépasser ces enculés. Bah c'est pareil. Ouais. Pourtant il y en a qui savent bien rouler pourtant. Ouais, mais c'est sûr, je te comprends Mickaël, mais tu vois, ceux qui sont sur les arbres repos, c'est eux, pour moi, c'est les sales pédés. Après, il y a des homosexuels. Il y a des homosexuels moins sales. Oui, c'est, mais je ne suis pas homophobe. J'ai moi-même un ami gay. Hein, c'est ça. Moi aussi, j'en connais. Ah ben voilà, bingo. C'était mais sûr. Moi, je parle pour ces gens qui écoutent la radio, là, sur les gens pauvres, qui attendent de se mettre une pile dans le cul, là, ça m'énerve. Toi. Ça va aller, merci Raphaël. Voilà, allez. Un pack fun. Oui, on t'en met deux. Salut Raphaël, ciao à toi. Allez, merci bien et bonne fête. Et je te repasse Dexter, mais attention, il est gay. Bonne fête, hein. Je te le repasse, il n'y a pas de problème. Salut Vincent, merci d'être passé aussi. Hein. Ouais, merci à vous, hein, et dédicace à ma petite femme que j'aime. Il n'y a pas de problème. Et si possible d'avoir le standard. Oui, je te le repasse, il n'y a pas de problème. Merci. Salut à toi, à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Et on peut en profiter aussi. On peut demander à Dario là ce qu'il en pense là. Dario, les femmes fontaines, est-ce que t'es déjà tombé sur des femmes fontaines? Ah merde, il est où son micro? La tête à Dario, il a voilà. Fait un truc. Ouais. Alors les femmes fontaines, Dario là, t'es déjà tombé sur une femme fontaine ou pas? Non, j'ai pas fait ça encore. Ah jamais? Non, j'ai pas essayé ça. T'es intéressé parce que toi, il connaît des adresses. Et ouais, c'est bon dans salle. Hein. Je peux te donner 2-3 numéros si tu veux. C'est quoi? C'est les femmes fontaines de Trévis? C'est quoi? C'est du lourd? C'est ah ouais, pas, moi, celles que je connais, elles sont assez liquides, ouais. Bah écoute, c'est bien d'aimer les expériences, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça. Faut tester des trucs dans la vie. J'ai pas fait encore ça. Ah d'accord. Mais ça me branche pas des masses. Non, pas des masses non plus. Il y a l'épisode de Californication. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est sûr, évidemment. Un mec à un moment donné tombe sur une femme fontaine. Oui. Il y a le mec, il est en train de se taper une nala, il est en train de lui faire un cuni. Et il y a son pote à côté, donc David Duchovny, qui dit putain, je sais pas quoi, cette meuf me dit quelque chose. Je sais pas quoi, et il laisse son pote machin, puis à un moment donné, ah ouais, je sais, fais gaffe, et boum. Regardez cet épisode, il est extraordinaire. Siri a conseillé Californication, si vous n'avez pas commencé, ouais. Allez-y. C'est énorme. Bon, il reste plus qu'une saison, après c'est fini, mais bon. Faut non, mais bien. La première saison, c'est la meilleure. Ouais, c'est vrai, je pense. Non, première et deuxième. Dans la première saison, t'as tout. Il se tape une nana mineure, qui est la fille de son de son beau-père. Enfin, du nouveau mari de sa mère. La première, elle est top. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs dans la première, c'est vrai. Bon, avant de partir, on fait encore un dernier appel, Tof. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier pour la route. 21 décembre, je rappelle que ce sera la journée mondiale de l'orgasme et qu'il faut prévenir les gens. C'est pour ça qu'on le fait. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, pardon, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ta gueule. Non, pas du tout. C'est pas pour ça que je vous appelle, monsieur. Il me semble ta gueule. Mais pas du tout, monsieur. Je nique ta mère. Mais pourquoi vous voulez que je nique ma mère, monsieur? Il est tard. Ouais, mais il est tard. Tu vois, tu tentais qu'il dormait à moitié. Hein, donc, on va le rappeler pour bien le réveiller et après on peut partir. Oh. Oui, monsieur, c'est pas gentil de pas vouloir répondre à ma question. Vas-y, ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Mais non, mais monsieur, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Vous devez juste me promettre que vous allez le faire. C'est quand même pas énorme. Je vais t'exposer, ferme ta gueule. Mais enfin, monsieur, pourquoi tant de violence alors que je viens pour vous parler d'amour? Cause toujours, enculé. Voilà, mais je pense que tout est résumé comme ça. Mais oui. En effet. Bon, on va se faire le générique de fin, là, hein. Ouais, c'est un bon plan ça avant de partir, ouais. Et on se retrouvera d'ailleurs dimanche à partir de 20h, lundi 20h et mardi également, soirée de Noël 24 décembre, on sera là avec vous puisqu'on a décidé, c'est une soirée familiale, donc on a décidé de la passer avec vous justement en famille. 24 décembre dès 20h sur Fun Radio, ce sera l'émission Mickaël No Limite. À partir de 20h, on s'échangera les cadeaux et tout, ça va être la folie totale. Et puis on va se faire le générique de fin, attention c'est parti, let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu suces des bites, te sucer toi l'enculé. T'aimes tellement... Ah non, monte, que cul comme toi, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Puis ton nom que t'es un enculé. Tu ne sais plus manger, enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? C'est bon dans salle. Non, mais vous êtes une ordure. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? C'est canadien. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Enculé, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Merci. Eh ben voilà. Lilou qui est toujours au taquet, bien évidemment, comme chaque soir. Et qui revient que pour ça. Hein. Ouais. Elle est quand même gentille. Hein. Elle, est, elle est brave. Elle est taxi, brave. Si elle revient, hop, elle se barre en taxi. Ben, regardez, elle est rentrée là. Si ce m'habille. Elle est repartie. Lilou. Bah, voilà, c'est parfait. Très bien. Et ben voilà. Bon, ben, on se retrouve du coup dimanche à partir de 20h. Ouais. Voilà, 20h minuit dimanche, 20h minuit lundi. Et 20h minuit, ça sera la dernière avant les vacances, mardi soir pour le réveillon de Noël. Merci également pour le numéro de téléphone hein, oui. qui a été balancé à l'antenne. Donc on est à combien 5423. Mais on, oui, on va refaire une photo parce que les rageux disent que c'est un fake. Donc on va faire une photo avec ta tête à côté. Mais qui laisse faire enculer en fait les rageux. Voilà. Voilà. Hein, ça me paraît pas mal. Parce qu'en fait, c'est marrant. C'est que à chaque fois qu'on fait un truc, de toute façon, t'as toujours des Mongols qui disent oui, c'est un fake. Voilà. Oui, c'est faux. C'est faux, vous êtes des menteurs. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Bon, ah oui, de Plutos également. Bien sûr, là, c'est vrai que j'ai presque zappé ça, dis donc. D'habitude, on fait ça avant le générique de fin. On y va. Alors. Numéro 5. Je rappelle, c'est le numéro 2 qui repart avec le petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Allez, c'est parti. Number 5. Le Prince Nadia. Numéro 4. DJ Comac. Numéro. Cédric. Numéro 1. Ouais, Julie. Let's be freaks. Eh ben voilà, donc t'as donné le numéro 1, bravo, bien wesh. Et donc le numéro 2. C'est Julien. Eh ben c'est Julien. Kinkin. Non, Grégoire. À nouveau. Ah ben c'est très bien, parfait. Eh ben à nouveau, magnifique. Eh ben tu ne bouges pas de là, on va te filer ton nouveau sextoy, tout beau, tout chaud. Enfin, je sais pas, mais offert par passagedudésir.fr. Exactement, voilà, très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup d'être là dimanche. J'espère que vous serez là dimanche. Mais oui, on dimanche, sera là. Même si les vacances. Non, mais toi, je sais bien que tu seras là. Pardon. Mais les auditeurs, en l'occurrence. 20h minuit dimanche, 20h minuit lundi, 20h minuit. Ce sera également mardi soir. Mickaël. Mickaël, nos limites. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et c'est notre ami Dario qui va débarquer là, en pleine forme. À 2h du mat, ouais. Oh, attends, il est sérieux là, t'es tout frais là, non? Non, ça va. J'étais en train de me poser une question. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que toutes les fins de mois, tu reçois une feuille de salaire pour chanter Va te faire enculer? J'étais en train de me dire, tu vois, je suis en train de penser au mec à la compta. Celui-là, je le connais pas, il fait quoi ici? Je me dis, je vais te faire écouter. Ben voilà, il chante en fait, va te faire enculer, c'est ça, ferme ta gueule derrière. Et on le paye autant que ça. Ouais. C'est jouissif. Ah ouais. Si un jour t'as des enfants, franchement tu vas être leur héros quoi. C'est surtout quand tu vas devoir leur dire non mais il faut pas dire ça. Voilà c'est ça. Arrêtez de dire enculé. Faut bosser à l'école parce que si tu veux faire quelque chose plus tard, faut bosser à l'école. Sinon tu vas finir comme papa, regarde, hein, dire des grossièretés à la radio. Et puis pour cela dit au passage. Mais quel bon vent vous amène, monsieur Dario? Bah écoute, je m'inquiétais un petit peu, j'avais pas de nouvelles parce que Mickaël me fait la gueule. On doit dîner depuis des mois et des mois, le mec il me file pas à rencard et tout. T'es sérieux là? Donc je suis venu ici, je me suis dit. Mais quel mytho alors, c'est ouf. Attends, Mickaël, sans déconner, je suis venu, j'ai pris l'iPad fonction agenda, j'ai tout, là tu me dis quand on le fait. Eh ben le 7 janvier. Tu vois, il est pas sûr. T'as vu, je le sens pas. 7 janvier on plie. Et quand ça se passe, je veux dire, on fait moitié-moitié, tu invites, Allez, tu sais quoi, tough pay. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est généreux. Eh ben je paierai pour Dario. Eh ben d'accord, ok. Très bien, parfait. Super mon gars. Très bien. Voilà. Ça me fait plaisir. J'inviterai Dario à manger. T'as vu ça? Il invite Dario alors que je lui donne une bouteille de champagne qu'il a volée. Ouais. Que je l'ai volée. Donc. Ah oui. C'est une bouteille de champagne qui nous a été offerte, qu'il a volée. Et donc maintenant il la garde. C'est bizarre parce que les bouteilles ont été offertes aujourd'hui. J'ai regardé sur le Bon Coin aujourd'hui, il y en a 250 à vendre. C'est un truc de fou. Hein. Exactement. Il y a une cave entière. Tu sais quoi? Voilà. Eh ben il faut peut-être chercher vers chez Toff apparemment. Voilà. Pour la j'en cave. Ai quelques-unes moi, si tu veux. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, bonne nuit alors Dario. Jusqu'à 6h. À l'arrivée de Bruno. Bruno d'ailleurs qui sera en direct de l'hôpital des enfants. Ouais, donc il risque pas d'arriver ici. Non, bah, il va pas arriver là, mais en tout cas, voilà, il sera là demain matin à partir de 6h en direct de l'hôpital des enfants. Et puis Dario jusqu'à 6h du matin avec Radio New York.